Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter un peu ici, c'est une relecture un peu rétrospective d'une certaine façon d'un travail qui m'a occupé pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire en gros une bonne dizaine, avec des éclipses, des moments différents, d'autres types de travaux, mais en gros une interrogation quand même sur une bonne dizaine d'années pour savoir à quoi pouvait ressembler un projet et sur quelle base on pouvait tenter de le fabriquer et de le mener à bout. D'un projet qui visait à tenter de comprendre la signification et les transformations de la signification d'un terme sur une période de 2300 ans. Et déjà le sens que ça peut avoir, et puis surtout un peu la façon dont on peut s'y prendre. Donc c'est vrai qu'initialement le projet n'était pas du tout parti comme ça. C'était plutôt une interrogation à partir d'un simple constat qui pouvait ensuite être empiriquement validé, qui était que depuis les années 1990 et surtout à partir de la fin des années 1990, dans les sciences sociales mondiales, le terme de diaspora avait acquis une espèce de masse critique et occupait une place de plus en plus importante dans les travaux qui étaient relatifs aux migrations, aux identités, aux questions de la postmodernité, de l'hybridation, du métissage, de la mondialisation, etc. Donc le projet était plutôt parti de cette interrogation-là. Comment peut-on expliquer la survenue comme ça, l'émergence soudaine et l'inflation surtout des usages d'un terme comme celui-là? Et assez naïvement, dans un premier temps, l'idée avait plutôt été la suivante: est-ce que finalement ce concept-là n'est pas un... Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de question: est-ce que c'est un concept, est-ce que c'est une notion, est-ce que c'est juste un mot, etc. Ça, c'est venu bien après. Mais la question qui était posée, que je me posais, était surtout la suivante: est-ce qu'en fait, en utilisant ce terme-là, avec des définitions aussi antagonistes les unes par rapport aux autres, aussi différentes, aussi polarisées que celles qu'on pouvait trouver à cette époque-là, est-ce que finalement on n'avait pas affaire à un concept qui empêchait de voir plus de choses qu'il ne permettait d'en voir? C'était l'impression que j'avais, comme si d'une certaine façon, à la fin des années 1990, ce terme-là était venu remplacer d'autres termes, a priori plus neutres, qui pouvaient être les termes de communauté migrante, de migration, d'immigration, voire d'émigration, qui existaient jusque-là et qui étaient utilisés dans les sciences sociales, comme si ce terme, d'une certaine façon, était considéré comme aussi neutre que ces précédentes expressions. Et je me disais qu'il y avait peut-être un moyen, notamment, de tenter de remplacer l'usage de ce terme par l'usage d'autres concepts. C'est-à-dire qu'initialement, le projet était parti comme ça. Il était parti sur un projet épistémologique visant à dire, finalement, est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser de diaspora, quoi, tout simplement. Autant vous dire que l'idée a été relativement vaine, que ça n'a pas véritablement abouti, et que si c'était resté mon idée, ça aurait vraiment été un échec absolument complet, puisque le terme n'a pas cessé du tout de progresser très loin de là. Mais une des raisons qui peut expliquer pourquoi au début des années 2000 j'étais sur cette logique-là vient en fait de mon travail de thèse, et qui était un travail de thèse qui justement était sur la question de l'activité politique en situation d'exil. Et j'étais frappé de lire au début des années 2000 tout un tas de travaux qui englobaient sous le terme de diaspora aussi bien des individus qui se politisaient et qui donc pouvaient être considérés comme des militants politiques en situation d'exil ou qui en tout cas travaillaient politiquement pour un certain nombre de transformations dans leur pays d'origine, et des gens qui n'étaient absolument pas dans cette logique-là. Et donc j'avais l'impression que ce terme-là venait finalement écraser l'existence de clivages et de singularités sociales et politiques. Donc ça avait été un petit peu le point de départ qui a donné naissance à un premier bouquin, donc qui est le Que sais-je sur les diasporas, qui est paru en 2000 et 2003 pardon, et qui est un ouvrage totalement schizophrène quand on le regarde bien, c'est-à-dire qu'il est complètement partagé en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'interroge sur l'évolution des usages du terme de diaspora, et ensuite toute une partie, la troisième, qui elle essaye au contraire de le remplacer par d'autres idéotypes et par d'autres concepts. Assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était tout à fait vain de vouloir faire ça, et que le projet épistémologique, en tout cas ce projet épistémologique-là, n'était pas le plus intéressant. C'était pas le plus intéressant parce que finalement, d'une part, il ne menait pas vraiment quelque part, et d'autre part, il ne résolvait pas un certain nombre de questions qui m'étaient apparues au moment de travailler sur l'histoire des usages du terme. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé, mais on est en 2005-2006, qu'a commencé à émerger l'idée de pourquoi ne pas finalement tenter de produire une sorte d'histoire et de sociologie des usages de ce terme. Et c'est là immédiatement que les difficultés en fait commencent, avec bien évidemment d'une part la question de l'historicité, et d'une historicité très longue, puisqu'on a affaire à un terme qui, sous sa forme initiale, apparaît au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, et qui existe jusqu'à maintenant. Donc avec du coup une ampleur, une profondeur historique qui était quand même assez démesurée, ce qui était un premier problème. Un deuxième problème qui était justement la question de savoir comment articuler la question de la vieillesse du mot avec la question de sa contemporanéité. Comment réussir à penser ça ? Ça a été un des principaux problèmes en fait, et que je n'ai pu tenter de résoudre qu'à partir du jour où je me suis dit qu'en fait c'était l'idée principale. C'est-à-dire que l'idée principale, telle que je l'ai développée, je ne dis pas que c'est la bonne, a été finalement de tenter de démontrer, non pas pourquoi, mais de tenter de démontrer comment un terme ancien devient un concept contemporain. C'est-à-dire qu'en partant justement de ce qui semblait être la plus grande difficulté, ou de ce qui m'apparaissait comme la plus grande difficulté, je l'ai en fait transformé en une question de recherche. Et à partir de ce moment-là, le projet se transformait complètement. Parce que ce qui devenait le plus important n'était pas de tenter de savoir pourquoi on en était arrivé là, qui m'apparaît de plus en plus comme une fausse question, mais beaucoup plus de tenter sociologiquement et historiquement de comprendre comment cela s'est produit, c'est-à-dire par quel type de processus, par quel type de configuration sociale particulière, et donc de tenter de traquer finalement les évolutions sémantiques de ce terme. Donc ça, c'était le deuxième véritable problème. Le troisième problème qui se posait, et qui était lié à cette question de la contemporanéité, était justement d'accorder une importance toute particulière à la façon dont il s'était cristallisé comme un terme susceptible finalement de rassembler autour de lui la mise en place d'une discipline, c'est-à-dire le champ des diaspora studies tel qu'il commence à se constituer à partir du début des années 1990. Donc il y avait trois véritables problèmes à prendre en compte, avec un écueil qui me semblait particulièrement important, qui était que j'avais véritablement l'impression qu'il n'existait pas jusqu'alors de méthode qui permettait de faire ça. Dans ce que je connaissais, je ne voyais pas d'entreprise qui s'était donné ce type d'objectif. Et très honnêtement, de surcroît, je ne connaissais absolument rigoureusement rien ou presque à tout ce qui pouvait relever de l'histoire des concepts, l'histoire des mots, la sémantique historique, etc. C'était des choses qui m'étaient absolument complètement étrangères. Tout ça pour vous dire, une sorte de premier point un peu introductif, que je ne suis pas arrivé à ce travail-là en voulant faire un travail de socio-sémantique historique, mais que je suis arrivé à ce projet-là et à cette tentative d'essayer, non pas de dessiner une méthode, mais d'expliquer un peu épistémologiquement ce que j'ai voulu faire, par un projet de recherche initial. Donc ça n'est pas avant tout un projet de socio-sémantique historique qui aurait utilisé le terme de diaspora comme exemple, c'est exactement l'inverse. C'est un travail sur diaspora qui s'est transformé d'une certaine façon par la suite, par nécessité d'une certaine manière, en une réflexion sur, bon sang, comment peut-on écrire l'histoire des usages d'un mot, surtout sur une période aussi longue. C'est en commençant à travailler justement cette question-là, c'est-à-dire qui avait écrit jusque-là des histoires de mots, et est-ce que c'était à partir de cette logique de l'histoire de mots qu'il était possible de travailler ça, que je me suis rendu compte des différences entre ce que je voulais faire, qui n'avait pas de nom, encore une fois, et ce qui me semblait avoir, progressivement au fur et à mesure du travail, ce qui me semblait avoir déjà été réalisé par les uns et par les autres. Alors, pour aller très vite, parce que je ne pense pas que ce soit véritablement l'objet principal de l'intervention, assez rapidement, j'ai eu l'impression que la thématique ou l'approche en termes d'histoire de mots n'était pas particulièrement pertinente. Pourquoi ? Parce que souvent, telle qu'elle a été utilisée, je pense notamment aux travaux de Lucien Febvre dans les années 1930, donc dans le cadre de l'école des annales, c'est un truc qui a été un peu oublié par la suite, mais il y avait eu sous la houlette, d'Henri Behr, la constitution d'une sorte de centre international de réflexion sur l'histoire des mots, et une tentative pour créer un vocabulaire historique. Et donc ils ont travaillé comme ça, beaucoup, sur plus de 200 notions ou termes, dont certains ont d'ailleurs été rassemblés dans un ouvrage qui est paru il y a 4-5 ans, et Lucien Febvre lui-même en a écrit plusieurs, qu'on trouve dans des numéros des annales. Il en a écrit un sur le terme de frontière, il en a écrit un sur le terme de travail, il en a écrit un sur le capitalisme, notamment, et il a ensuite professé au Collège de France, entre 1945 et 1947, un cours sur la formule « honneur et patrie ». Donc il y avait un véritable intérêt de sa part pour cette question-là, et il écrit d'ailleurs dans un de ses articles que faire l'histoire d'un mot, ça n'est jamais perdre sa peine, et que justifiant ainsi l'intérêt qu'il pouvait y avoir à s'accrocher d'une certaine façon à ces petits à ces lettres mises ensemble et qui viennent constituer un mot. Cependant, j'avais vraiment l'impression que l'histoire de mots n'était pas du tout ce que je voulais faire, pour une raison simple, c'est qu'elle partait du principe que les mots ont une histoire. Et un des premiers principes que je me suis donné, j'insiste là-dessus, c'est ces principes ne sont absolument pas des principes a priori, ce sont uniquement des principes a posteriori, et donc qui ne sont pas forcément universellement valables ni applicables. Ce sont simplement ceux qui m'ont permis de venir à bout de ce travail-là. Le premier principe était: les mots n'ont pas d'histoire. La seule chose qui a une histoire, ce sont les usages des mots. Ce qui, du coup, vient déjà initialement créer quelque chose de différent. C'est-à-dire que la logique d'évolution n'est pas une logique linguistique. Elle n'est pas une logique interne. Le mot n'a pas d'histoire en tant que tel. La seule chose qui peut avoir une histoire qui peut être retracée, et la seule chose qui puisse par ailleurs avoir une sociologie ou qui puisse être étudiée sociologiquement, ce sont les usages des termes. Et à partir de ce moment-là, il devient possible d'écrire ou de tenter d'écrire une sociologie et une histoire de ces usages. Ça, c'était le premier point et la première chose que j'ai un peu écartée. Quand je dis un peu écartée, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des choses à prendre chez Fèvre. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement écarter l'approche qui tend à un peu considérer que c'est le mot en lui-même qui a une histoire et qu'on ne doit pas aller chercher les principes de son évolution ailleurs que dans le mot. Dans ce travail-là, à aucun moment, je ne vais chercher les principes d'évolution dans le mot lui-même. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai essayé de faire et c'est pas non plus ce qui m'intéressait. À chaque fois, j'ai essayé d'aller chercher des explications de l'évolution du sens à l'extérieur du terme, c'est-à-dire dans ceux qui l'utilisent, celles et ceux qui l'utilisent, et ou les configurations sociales particulières à l'intérieur desquelles il a été utilisé et où son sens a pu soit se modifier, soit se diffuser. Donc ça, c'est un des premiers points, une des premières choses que j'ai essayé d'écarter. Alors, vous voyez bien qu'en fait, que l'écart ici, le fait d'écarter, me permettait d'une certaine façon de tenter d'ancrer la singularité de ce que j'essayais de faire. Ça n'avait finalement que ce but-là. Ça permettait de me dire, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est ça, et c'est pas ça. C'est tout. Ça n'avait pas véritablement d'autres objectifs. Après, il y avait toutes les approches en termes de linguistique historique, bon, qui, notamment dans le cadre de la France, sont assez répandues, sont assez renommées. Elles commencent à débuter à partir des années 50-60, et elle se cristallise autour du laboratoire de lexicologie politique de l'ENS de Saint-Cloud. Ce qui était intéressant, c'était bien évidemment tout l'intérêt qu'ils accordaient non seulement à un mot en particulier, mais aussi aux constellations de mots qui les accompagnent. Ça me paraissait intéressant. Cependant, j'ai été bloqué par un point qui est que pour eux, je pense notamment à tous les travaux qui ont été menés notamment par Jacques Guillaumou, dont je pense que vous avez parlé la dernière fois, une des choses qu'il m'était impossible d'appliquer, c'était la question du corpus. La lexicologie politique française et la lexicométrie partaient pratiquement à chaque fois d'un corpus existant et fermé. Et ce corpus, il était question de l'épuiser par l'analyse des correspondances, par tout un travail sur le nombre d'occurrences, le nombre d'usages, les termes qui sont associés, etc. C'est évident que sur 2300 ans, il était fondamentalement impossible de mettre en place un corpus fermé. La seule chose qui a pu être un corpus fermé, mais qui s'est avéré en fait assez inutilisable sur le plan lexicométrique, outre le fait que c'est une technique que je ne maîtrise absolument pas, c'était le corpus des textes grecs qui existent sur la période s'étendant d'Homère à 1453, et qui est rassemblé dans une banque de données qui s'appelle le TLG, le Thesaurus Linguae Graecae, qui est consultable sur Internet et qui rassemble l'intégralité des textes grecs que l'on connaît. Et où par conséquent, à partir de là, on peut travailler, on peut avoir une idée effectivement du nombre de fois où tel terme est utilisé entre telle et telle période. Ça, c'est possible. Je reviendrai peut-être éventuellement après, si vous le souhaitez, sur les raisons pour lesquelles Le corpus était utilisable de façon empirique, mais il n'était pas utilisable pour l'étudier d'une manière lexicométrique. En tout cas, moi, je n'en étais pas capable. Donc, cette question du corpus m'a poussé quand même à assez largement m'écarter, ou en tout cas marquer une distance et une différence par rapport à ces analyses-là, y compris quand quelqu'un comme Jacques Guillaumou a commencé à parler d'ADH, c'est-à-dire l'analyse de discours du côté de l'histoire, qui était censée être moins lexicométrique, plus qualitative et moins quantitative, mais qui malgré tout, dans les faits, quand on regarde ce qu'écrit Guillaumou, est très largement dépendante de la question d'un corpus. Il y a quelques exemples de cette école-là, je pense aux travaux de Marie-France Piguet, je pense aux travaux d'Alice Crick-Planck également, qui tentent véritablement de se démarquer de cette question du corpus et qui sont beaucoup plus utiles, à mon sens, pour une entreprise comme, celle-là. Donc c'était en quelque sorte le deuxième repoussoir, ou tout au moins la deuxième frontière, c'est-à-dire vouloir s'intéresser avant tout aux usages et dans un deuxième temps ne pas se donner, parce que c'était impossible, l'existence d'un corpus. Troisièmement, je me suis attaqué à tout ce qui relevait des travaux qui commencent à se mettre en place à partir des années 1960 et qu'on rassemble sous le nom d'école de Cambridge d'un côté et de Begriffsgeschichte de l'autre, donc l'école de Cambridge autour de Quentin Skinner, John Pocock, etc. et la Begriffsgeschichte autour notamment du projet bien évidemment de dictionnaire des concepts, donc dirigé par Brunner, Kanz et Reinhard Koselleck. Le nom de Koselleck étant certainement ici en France le plus connu par rapport aux deux autres. Donc là, il semblait, notamment dans ce moment-là, au milieu des années 2000, où il commençait à y avoir une sorte de véritable engouement en France pour les travaux de Koselleck, il semblait qu'il pouvait peut-être y avoir quelque chose à prendre, notamment du côté de cette Begriffsgeschichte, donc de cette histoire des concepts. Alors, en travaillant un petit peu plus dessus, je me suis rendu compte que ce qui se faisait du côté de l'école de Cambridge était assez différent en majeure partie de ce que j'avais envie de faire. Pourquoi ? L'école de Cambridge part du principe que... Alors, ils travaillent essentiellement sur une période qui est la période, on va dire, entre la fin du Moyen-Âge et la période moderne. C'est véritablement la période moderne en tant que telle. Et notamment, je pense à ce bouquin de Skinner sur les fondements de la politique. Et leur objectif, c'est de tenter de voir à quel point des termes qui peuvent encore exister maintenant n'étaient pas du tout utilisés avec la même signification et avec le même sens à l'époque que eux étudiaient. C'est-à-dire que ils sont dans une logique où leur principale hantise, c'est l'anachronisme. C'est ne pas... ils souhaitent, autant que possible, essayer de retrouver à l'époque donnée, à l'époque qu'ils étudient, le sens qui est celui des acteurs. Et l'intention, le terme d'intention est très important pour ces deux auteurs-là, et l'intention qui est la leur... En utilisant ces termes à ce moment-là. Je trouvais que l'insistance sur le risque d'anachronisme était vraiment très intéressante, donc c'est quelque chose que j'ai ensuite incorporé. Mais, de manière générale, l'attention qu'ils accordent au langage, parce qu'il y a véritablement une attention au langage, et on pourrait même dire au langagier, c'est-à-dire à tout ce qui relève aussi bien, qui relève de l'écriture et de l'usage des termes. Chez Skinner et Pocock, cette attention au langagier est une attention, d'une certaine façon, extensive. C'est-à-dire que ce à quoi ils s'intéressent, c'est au vocabulaire, c'est au lexique d'une époque et à la façon dont il fonctionne. Ils ne s'intéressent pas en tant que tel à un terme. ils ne vont pas venir travailler essentiellement le changement sémantique. Déjà, ils ne travaillent pratiquement pas. Ils travaillent la sémantique au sens d'une étude du sens, mais ils ne travaillent pas la sémantique dans le cadre d'une profondeur historique et dans le cadre de changement. Ça n'est pas leur idée principale. Il y a plutôt cette idée de lexique et d'éviter l'anachronisme. Idée d'éviter l'anachronisme, donc que j'ai gardé. Après, il y avait la Begriffsgeschichte. Et là, ça m'apparaissait comme assez beaucoup plus proche de ce que j'essayais de faire, pour plusieurs raisons. Les deux raisons principales sont: ils s'attachaient à des mots. Et dans la logique de leur dictionnaire, les mots qu'ils avaient choisis faisaient l'objet d'entrées relativement longues dans lesquelles ils essayaient de comprendre quel pouvait être non seulement le sens du mot à cette époque-là, d'essayer de comprendre quelles idées circulaient autour du mot, parce que c'est aussi quelque chose qui est important, comment ils circulaient dans différents pays, c'est-à-dire quel pouvait être soit l'usage du même terme dans d'autres pays, soit quels pouvaient être les équivalents de ce terme-là dans d'autres pays. Donc il y avait également un travail qui était fait sur la traduction et la traductibilité du terme. Donc ça, c'était un point qui me paraissait particulièrement intéressant, parce qu'il y avait d'une part essentiellement ce que les linguistes appellent un travail sur l'onomasiologie, c'est-à-dire sur le fait de suivre un terme avant tout, et de s'attacher à cette description du terme. C'est le terme qui est suivi, c'est le terme qui est le fil rouge. Cette idée de nomasiologie me paraissait particulièrement collée à ce que j'essayais de faire avec Diaspora, par rapport à une autre idée qui est pratiquement l'exact inverse d'une certaine façon, et que les linguistes appellent la sémasiologie, qui est au contraire l'histoire d'une idée. Pour aller vite, avec l'onomasiologie, vous vous concentrez sur le terme, quels que soient les changements de sens du terme en question. Avec la sémasiologie, vous faites l'histoire d'une idée. L'idée de progrès, l'idée de nature, l'idée de race, l'idée de classe. Et ça, il y en a beaucoup qui ont été faites comme ça. Quels que soient les termes qui viennent ensuite incarner, pour autant qu'un mot puisse incarner quelque chose, incarner cette idée, ou en tout cas la représenter à un moment. Très clairement, j'étais plutôt du côté de l'onomasiologie, donc plutôt du côté de la Begriffsgeschichte de ce côté-là. Par ailleurs, je trouvais qu'ils ajoutaient quelque chose qui était très important, qui était précisément la question du changement sémantique. La façon dont un terme va voir son sens se modifier, avec une attention particulière qui est accordée à la période de ce que Kozelek appelle le Sattel Zeit, une sorte de période charnière, une période de sel, étymologiquement, période au cours de laquelle il estime justement qu'il y a une importante transformation du sens d'un certain nombre de mots, et où des mots qui jusque-là étaient assez largement statiques ou cycliques deviennent des mots dynamiques et qui ouvrent sur un futur qui n'est pas écrit. Donc il y a toute cette question d'une certaine forme de modernité langagière, lexicale, linguistique qui se crée à un moment et où les mêmes termes prennent des sens radicalement différents. L'exemple le plus classique en français, c'est le terme de révolution, qui passe d'un sens assez largement cyclique, la révolution d'un astre autour d'un autre, et donc on revient au point de départ, avec progressivement la mise en place d'un sens de révolution, dans laquelle la révolution, c'est justement ce qui ouvre l'avenir, et ce qui ouvre l'avenir d'une manière incertaine, c'est-à-dire que tout est à faire et que tout est à écrire. On a pourtant le même mot. mais son sens a radicalement changé. Ça, ça m'intéressait. Donc la maigresse geschichte était véritablement le point d'ancrage qui me paraissait presque le plus important. J'ajouterai après qu'il me manquait un point véritablement que je ne trouvais pas dans la maigresse geschichte et qui m'empêchait d'une certaine façon, mis à part le fait que c'est avant tout une fraction de la discipline historique et donc pas nécessairement sociologique en Allemagne. On verra qu'il y avait un autre point que je ne trouvais pas et qui m'empêchait de présenter ce travail comme une histoire d'un concept d'une certaine façon, même si à mon avis on est quand même dans quelque chose d'assez proche. Et il y a finalement un dernier travail que j'ai trouvé qui était assez intéressant, même très intéressant, et qui était une des rares tentatives par un sociologue de faire ce genre de travail, et qui est le texte qui a été écrit dans les années 50 par le sociologue Robert Merton avec Eleanor Barber, et qui est un texte sur l'histoire des usages du mot serendipity. Serendipity. Donc le sérendipité en français. La serendipity, c'est un terme qui signifie le fait de trouver de trouver une idée, d'inventer quelque chose par hasard, d'une certaine façon. La tartatin relève de la serendipity, si vous voulez. Et c'est un terme qui apparaît véritablement au XVIIIe siècle. Il apparaît dans une lettre d'Horace Walpole, un de ses correspondants, 1754. C'est totalement datable. Et comme c'est un terme qui va ensuite être utilisé beaucoup dans le milieu scientifique, évidemment Robert Merton, qui est un sociologue des sciences avant tout, va s'intéresser à ça et va essayer de comprendre comment, à partir d'un usage particulièrement littéraire initial, ce terme, ou les usages de ce terme, vont migrer vers d'autres milieux. Et essayer de comprendre comment cette migration vers d'autres milieux va transformer les usages du terme et le sens de ce terme. Et donc là, on a un travail qui est véritablement intéressant parce qu'il met en place un certain nombre de processus de banalisation du mot, de popularisation du mot, qui paraissaient particulièrement bien collés également à la question de diaspora. Et de surcroît, il y avait cette entreprise qui était à la fois historique et sociologique. Merton et Barber, d'ailleurs, appellent leur entreprise, ils appellent ça une sociologie sémantique. Esquivant ou évacuant pratiquement entièrement, du coup, la dimension historique, à mon avis, pour une raison qui ne m'est pas apparue de prime abord, c'est qu'au moment où ils écrivaient, il existait aux États-Unis un mouvement qui était celui de la historical semantics, donc la sémantique historique, qui était un mouvement qui était représenté par le linguiste Leo Spitzer, essentiellement, et qui était vraiment un mouvement qui s'intéressait à la façon dont dont l'usage, c'était une logique d'histoire véritablement du mot, si vous voulez. Et je pense qu'en utilisant sémantique sociologique plutôt que sémantique historique, à mon avis, Merton et Barber ont voulu se distinguer véritablement et marquer la différence par rapport aux travaux de Spitzer. C'est à partir de là que j'ai commencé à jouer avec ces idées de sociologie sémantique, de sémantique historique, et voir s'il n'y avait pas quelque chose qui était possible de faire avec ça, ce qui a progressivement donné naissance à ce terme très laid d'ailleurs, mais j'ai jamais trouvé mieux, de socio-sémantique historique. Donc voilà à peu près comment, à partir de ce qui pouvait exister, venaient aussi se matérialiser les frontières et les principes de ce que j'avais envie de faire. C'était surtout ça qui était le plus important, c'est-à-dire que tout ce travail-là était absolu, même si c'était un travail consistant à penser de manière différente de ces auteurs-là, ça consistait malgré tout à penser avec, et tout le temps avec, puisqu'il s'agissait justement de réussir à, en luttant avec eux, d'une certaine manière, à essayer de tracer ce qui pouvait être la particularité de ce travail-là sur Diaspora. Bon, à partir de là, tout n'était pas réglé. Et notamment, une chose qui n'était pas réglée, c'était la question de l'effet social, des effets sociaux des usages de ce terme de ce terme de diaspora. Et ça, il m'a fallu un certain temps avant de réussir à trouver un moyen technique d'une certaine façon pour essayer de le pour essayer de le saisir. Et je pense que c'est du coup une des différences avec la Begriffsgeschichte, qui finalement est une certes une sémantique historique, certes une histoire des concepts, mais qui est une histoire des concepts qui s'inscrit à l'intérieur d'une assez largement d'une histoire des idées, qui, si elle est, comme le dit Kozelek, et je pense qu'il a raison, en tout cas il le montre dans ce qu'il écrit, si elle est aussi une histoire sociale des idées, c'est-à-dire si elle s'intéresse à la façon, non pas dont les idées volent, circulent comme ça, toutes seules, mais au contraire dont elles sont fabriquées, répercutées, utilisées par des groupes sociaux. Par contre, je trouvais qu'il y avait un point sur lequel il n'y avait pas d'insistance, c'était... D'accord, il y a du social pour expliquer pourquoi on utilise tel ou tel terme, mais que se passe-t-il quand on les utilise ? C'est-à-dire en quoi est-ce que l'usage de ces termes a des effets sociaux ? Et ça, je ne le trouvais pas chez eux. Et il me semblait pourtant que dans le cas de Diaspora, c'était un point qui était particulièrement important. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler à partir de là... la philosophie du langage d'Austin. Donc, comme vous le savez, John Austin, dans les années 1950, prononce un certain nombre de conférences assez, assez connues et qui ont ensuite été rassemblées en ouvrages. Un ouvrage qui est intitulé Doing Things with Words et qui a été traduit en français par Quand dire, c'est faire, je crois. Et Austin présente l'existence ou suppose l'existence d'une certaine forme de pouvoir langagier qui est ce qu'il appelle la dimension performative du langage. Donc la performativité. Qui est une idée qui a ensuite été utilisée très, on va dire très largement, mais qui a été quand même pas mal reprise, non seulement en philosophie, notamment philosophie analytique, mais qui a été également reprise par des sociologues, et en particulier par Pierre Bourdieu, qui l'a utilisé à plusieurs reprises dans ses textes sur l'idée de région, notamment. Et j'étais un peu gêné par l'usage qui en était fait véritablement. C'est-à-dire, j'étais un peu gêné par la transformation qu'il me semblait que Bourdieu avait produite entre les textes initiaux d'Austin et ce que lui en faisait. Parce qu'en fait, quand on lit Austin, il y a une chose qui est frappante, c'est que il ne dit pas véritablement que parler fait quelque chose au sens strict. Il nous dit que par l'usage par l'énonciation, dans des circonstances sociales particulières, par quelqu'un qui a une position sociale lui permettant de le faire, certains verbes font quelque chose en même temps qu'ils sont énoncés. Exemple, je promets. Dire je promets marque le fait de promettre. Donc on dit et on fait quelque chose. Mais on ne fait pas une chose. On fait quelque chose. On produit une action. On ne produit pas une chose en tant que telle. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui est à prendre chez Austin. Quand on regarde bien tous les exemples qu'il prend, à chaque fois ce sont des verbes. Tout le temps. La performativité chez lui, c'est vraiment au sens... du terme anglais to perform, c'est-à-dire faire, produire, accomplir quelque chose. C'est quelque chose qui relève du verbal, mais c'est-à-dire du verbe en tant que tel, et pas du nom, et pas du substantif. Or, moi, j'avais affaire à un substantif. Il me semblait donc compliqué, contrairement à ce que faisait Bourdieu, par exemple avec l'idée de région, il me semblait difficile de dire que c'était une tentative d'explication par le discours performatif sur Diaspora. Et donc j'ai commencer à partir de là à retravailler cette idée de socio-sémantique historique en m'appuyant sur Austin, sur Bourdieu, pour tenter de voir ce qu'on pouvait, ce qu'il était possible de récupérer, encore une fois, pour servir littéralement ce que j'essayais de faire. Et c'est à partir de ça que j'ai essayé de créer cette idée de formativité, et non pas de performativité. C'est-à-dire que là où la performativité s'accomplit par du verbe et vient produire un acte en même temps qu'on produit un mot, et en l'occurrence un verbe, la formativité serait la capacité d'un terme, et cette fois-ci d'un substantif, émis dans certaines circonstances particulières, par certaines personnes particulières, serait cette capacité à former, ou tout au moins à contribuer à former, ce qu'il prétend décrire. Concrètement, l'idée consistait à dire que quand vous avez un certain nombre d'auteurs ou de chercheurs qui disent la diaspora népalaise est composée de tant et tant de personnes, ça consiste à dire en fait ils ne décrivent pas quelque chose qui serait la diaspora népalaise ou qui préexisterait comme la diaspora népalaise, mais en utilisant ce terme de diaspora, il la crée en tant que telle, en venant agréger notamment statistiquement un certain nombre de gens qui ensuite vont être considérés comme en faisant partie. Donc une tension entre le descriptif et le prescriptif. Donc ça, c'était cette idée de formativité. Je vais accélérer parce que sinon... Donc voilà en quelque sorte les espèces de préalables épistémologiques à partir desquels j'ai essayé de singulariser ce projet-là. Juste un point, cette idée de socio-sémantique historique ne vise absolument pas à créer une chapelle, une méthode, une théorie ou même une méthodologie, parce que c'est pas le cas. Très honnêtement, et vous ne trouveriez pas dans ce bouquin-là de méthodologie en tant que telle, parce que je serais absolument incapable véritablement de dire qu'il y a à tout prix une méthode qui m'a permis de faire ça, et une méthode qui pourrait du coup être utilisée de la même manière sur un autre cas. Ça, je n'en suis pas du tout certain. Ce terme finalement ne vise simplement qu'à essayer de rassembler un certain nombre d'idées et un certain nombre de principes. Donc, je vais maintenant passer aux principes qui encore une fois ont été au cœur de ce projet-là, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent forcément être au cœur d'un autre projet de socio-sémantique historique si quelqu'un d'aventure avait l'envie de se lancer là-dedans. Premier principe que j'ai essayé de mettre en œuvre, c'est le principe d'impartialité. Alors, le principe d'impartialité, c'est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment dans les études d'épistémologie un peu dures. Notamment, c'est ce qu'on trouve au cœur du programme fort de quelqu'un comme David Bloor, qui estime que finalement, dès qu'on veut faire véritablement de la méthode, il faut adopter ce principe d'impartialité. Ça a été repris d'ailleurs par Bruno Latour assez régulièrement depuis ses travaux sur le depuis ses travaux avec Woolgar sur la vie de laboratoire. En quoi consiste ce principe d'impartialité? C'est même un principe, on peut même aller plus loin, c'est plus qu'un principe d'impartialité, c'est un principe de non-connaissance ou de non-savoir, si vous voulez. Dit plus clairement, ça signifie que j'ai essayé, tout au moins, de me refuser à savoir ce qu'était une diaspora. C'est-à-dire à ne pas m'en donner une définition, ou à ne pas partir du principe qu'il en existait une bonne définition, ou qu'il en existait une vraie définition. ce principe d'impartialité, je vais revenir dessus après, ce principe d'impartialité, il suppose aussi quelque chose qui est le refus du présentisme. C'est-à-dire le refus de partir du principe que le bon usage de diaspora, ça serait l'usage actuel par rapport aux usages passés. C'est une sorte de deuxième point à l'intérieur de ce principe d'impartialité. Il me semblait que si je partais du principe que je savais ce que c'était et que j'en avais une définition qui était la définition, ou que l'objectif de cette entreprise était de déboucher sur la définition ultime, eh bien à ce moment-là, tout ce travail était impossible à faire. Ou plus exactement, il aurait été tellement biaisé que d'une certaine façon, il aurait pris une tournure complètement différente. Parce qu'à chaque fois, je serais retombé dans les travers de la plupart de ceux qui ont tenté de travailler de cette manière-là. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on en est à, voilà, un tel va l'utiliser de telle manière, mais ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou alors, c'est un usage qui est aberrant. Ou c'est un usage qui est beaucoup trop large. Ou qui n'est pas suffisamment conceptualisé. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train, en fait, de faire de la police de diaspora. En disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et que du coup, on s'interdit, dans les faits, de comprendre ce qui s'est passé. On est déjà dans une grille de lecture normative, partant du principe que soit il existe une bonne et une vraie définition, et qu'à partir de ça, il y a des écarts à cette bonne définition, soit que ce qui intéresse avant tout, c'est là où les définitions présentes, et que finalement, ce qu'on peut appeler diaspora il y a 2300 ans, c'est pas très important. Avec ce principe d'impartialité, le but c'était d'éviter tout ça. Et justement de me dire, je ne sais pas ce que c'est. Et ne sachant pas, eh bien nécessairement, tous les usages m'intéressent. Ce qui ne facilite pas la tâche, globalement, mais qui, à mon avis, par contre, vient ajouter, non pas une lueur d'objectivisme, parce que ce n'est pas de l'objectivité, encore une fois. Je pense que c'est juste de l'impartialité. Ça n'est pas plus que ça. Et ça permet de prendre chaque usage que l'on peut repérer pour ce qu'il est au moment où il est utilisé. Et pour le sens qu'il a au moment où il est utilisé. Et pour l'intention qui est celle de l'auteur au moment où il l'utilise. Et ça permet aussi du coup de venir dessiner progressivement des logiques de transformation et de changement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des... bien sûr, vous avez des usages que d'aucuns considéreraient comme absolument aberrants, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient nouveaux. Parce que le fait d'évoquer la diaspora de la crème brûlée, comme on peut le trouver parfois, est-ce que c'est un usage qui a un véritable sens ou pas ? Je m'en moque. Ça existe. Si ça existe, la question c'est pourquoi est-ce que ça existe ? Qu'est-ce que ça vient dire, d'une certaine façon ? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant et comment est-ce qu'on peut tenter de le raccrocher ? Donc, premier principe que j'ai essayé de suivre. Deuxième principe, et ça très honnêtement, ça n'a pas été le plus facile à suivre, ou plus exactement à accepter, c'est le principe d'incomplétude. C'est-à-dire accepter l'idée que je pourrais y passer une vie entière ou plusieurs vies. De toute façon, il serait absolument impossible d'accéder à, bien sûr, à la totalité de ces usages-là, mais même à la majorité des logiques permettant d'expliquer pourquoi ces usages ont changé. Parce qu'en fait, c'est une... en ce sens-là, c'est une entreprise qui, plus elle avançait, plus elle m'apparaissait comme étant un peu vaine, d'une certaine façon. Parce que justement, à chaque fois, la possibilité d'expliquer semblait reculer, d'une certaine façon. Parce qu'il y a trop, au bout d'un moment. Et que ce trop, on ne peut pas trouver le moyen de l'expliquer. Bien évidemment, c'est un cas très particulier d'un mot utilisé sur une période particulièrement longue. Donc il est bien possible que ce principe d'incomplétude ne serait pas tout à fait le même pour un terme qui est utilisé pendant, je ne sais pas, une centaine d'années, ou depuis une vingtaine d'années, ou une cinquantaine d'années. C'est possible. En tout cas, là, c'est quelque chose qui m'a paru important de mettre en évidence. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce n'est pas un travail fini. Ou plus exactement, c'est un travail fini, mais ce n'est pas un travail achevé. C'est-à-dire que tout, c'est totalement ouvert. C'est d'ailleurs pour ça que le choix était pour le sous-titre, de le sous-titrer une histoire des usages du mot diaspora. Et pas histoire des usages du mot diaspora. Parce qu'à mon avis, ça n'en est pas l'histoire si l'on part du principe que le terme histoire laisse supposer une certaine forme d'épuisement. Ou en tout cas une certaine forme d'exhaustivité, bien évidemment ici elle n'existe pas, et elle n'existe pas du tout. Ce à quoi j'avais l'impression de me confronter, c'est j'avais l'impression d'être dans une tâche qui pouvait être celle de l'archéologue qui savait qu'il y avait que sous la terre il y a une mosaïque, mais qui au fur et à mesure qu'il déblaye la terre se rend compte qu'il y a un bout là avec des carreaux qui collent, on voit se dessiner un certain nombre de choses, et puis que là, à droite, on ne sait pas véritablement ce qu'il y a, jusqu'à ce qu'il y ait un autre motif qui apparaît. Et la question c'est, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Comment est-ce qu'on peut passer de celui-ci à celui-là? Donc je pense qu'en gros, ça, c'est ce que j'ai pu réussir à non seulement déterrer, mais coller ensemble. Et remettre ensemble, c'est pas plus que ça, parce que tout le reste a pu totalement disparaître ou ne pas être accessible, et notamment tout un pan qu'on ne peut absolument pas étudier, qui est la question de l'oralité. La question de l'oralité, jusqu'à une période très récente, ne peut absolument pas être prise en compte dans un travail comme celui-ci. Peut-être que si cette oralité pouvait être accessible, elle viendrait complètement modifier la logique explicative qui est, ou les logiques explicatives plutôt, qui sont au cœur de ce travail. Troisième principe, et puis j'ajouterai une quatrième question et je m'arrêterai. Troisième principe, c'est ce que j'ai appelé le principe de déconstruction-reconstruction. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'une des premières entreprises, un des premiers objectifs, a été de tenter de... Comment on peut dire ça? De tenter de corriger un certain nombre de choses fausses qui sont écrite aujourd'hui sur les origines de ce terme, son étymologie, son usage antique ou moderne. Donc il y avait quelque chose qui relevait de la nécessité de venir travailler vraiment historiquement le passé pour régler, idéalement une fois pour toutes, un certain nombre de points qui, contre toute attente, continuaient à être assénés comme des vérités aujourd'hui, alors que ce sont juste des contre-vérités historiques. Et que finalement, il n'est même pas compliqué de vérifier. Mais qu'en revanche, le travail n'a pas été fait. J'ai un point en particulier, qui est cette idée qui a émergé, alors je viendrai là-dessus dans mon deuxième point, l'idée que le terme diaspora n'était pas seulement utilisé dans l'Antiquité à propos des Juifs, du peuple hébreu, mais qu'il était également utilisé pour décrire la colonisation grecque en Méditerranée. C'est juste totalement faux. Pas une fois dans tout le corpus qui existe, sauf à présupposer l'existence de choses qu'on ne connaît pas, ça devient compliqué, pas une fois le terme n'est utilisé pour décrire quelque chose qui relève de la migration ou qui relèvent de la colonisation. Ça n'existe pas. On connaît les termes qui sont utilisés en grec pour décrire ces phénomènes, et à aucune reprise, en aucun cas, le terme de diaspora n'est utilisé pour ça. Ou, autre exemple, le terme de diaspora serait, parce que le terme apparaît dans le cadre de la traduction en grec du texte sacré des Hébreux, donc la Torah, et l'idée serait que ce terme aurait été inventé pour traduire le mot hébreu galout, dont le sens est exil, quelque chose près. Sauf qu'il suffit de se plonger un peu dans le texte grec de la Septante et de faire des correspondances avec le texte de la Torah pour se rendre compte que c'est juste absolument faux, que pas une fois le terme de diaspora ne vient traduire le terme de galout. Donc ça, il s'agissait de le corriger, tenter d'imposer l'idée que voilà, ça on sait c'est faux. Mais, et c'est pour ça que j'insiste sur le principe de déconstruction-reconstruction, le but c'est pas de s'arrêter là, c'est-à-dire c'est pas de dire voilà, moi je viens corriger ce qui est faux, parce que c'est pas ce qui m'intéresse avant tout. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était aussi de reconstruire cette question-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive à l'idée que ça a pu être utilisé pour décrire la colonisation des Grecs. Comment est-ce qu'on en arrive à l'idée que ça vient traduire le terme hébreu galout? Pourquoi, à quel moment est-ce que ça commence à s'imposer et pourquoi est-ce que c'est répété de texte en texte? C'est notamment à partir de ça, qui a été un des premiers chantiers de ce travail, que je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait attendre un temps relativement récent pour qu'il se produise ce que j'appelle la cumulativité des références. C'est-à-dire il faut attendre les années 80 et la toute fin des années 1980 pour que les textes commencent à se citer les uns les autres et à se réutiliser, et donc du coup à colporter les mêmes bêtises. Et cette idée de cumulativité, qui est en fait venue pratiquement par hasard, est devenue une des pierres de touche de ce travail-là, parce qu'il me semblait que c'était par l'existence de cette cumulativité qu'on pouvait commencer à dessiner la mise en place d'un champ académique particulier, ou tout au moins d'un espace académique particulier, si on veut éviter la référence au terme de champ. C'est parce qu'il y a des textes qui se citent, se reprennent, surtout quand ce sont des textes venant de disciplines différentes, que l'on commence à voir se dessiner quelque chose. C'est un point capital, parce que ça vient marquer la différence entre une profusion d'usage et de sens du terme de diaspora avant les années 1980 et la singularité du moment qui se met en place à partir de la fin des années 1980, début des années 90, qui est en fait véritablement un moment, on va dire, où le terme prend académiquement. Ça veut dire qu'il y a deux moments, ou plus exactement, il y a un moment particulier, c'est justement le moment où ça prend. Et là, on voit, à partir de là, la multiplication des usages qui se met en place. Ce qui signifie qu'il y a là une configuration historique particulière, sociale, académique, intellectuelle, qu'il faut prendre en compte pour essayer de comprendre pourquoi et comment c'est à ce moment-là véritablement que ça prend, alors que ça n'a pas pris avant. Quand je dis ça n'a pas pris, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça n'est pas utilisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes sociaux ou des milieux sociaux qui l'utilisent, ça veut dire simplement qu'ils l'utilisent d'une manière assez cloisonnée. C'est utilisé de façon quasi autonome et indépendante dans des séries conceptuelles disciplinaires différentes, ou dans un certain nombre d'espaces militants. Ça va être utilisé, mais ça ne dépasse pas. Ou ça dépasse très peu. Et ça dépasse si peu que d'une certaine façon, il n'y a à aucun moment ce phénomène de prise où on voit les choses commencer à s'agréger et où ça acquiert une certaine force d'accélération parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voient l'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser ce terme-là. Et ça, cette naissance d'une certaine façon, ou ces naissances des Diaspora Studies, elles se mettent en place véritablement seulement à partir de la fin des années 80 et des années 1990, qui constituent dans les faits plus d'un tiers du bouquin. C'est-à-dire que la période qui va du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 20e siècle finalement ne représente qu'une petite centaine de pages là-dessus par rapport au travail général. Le travail général est un travail avant tout sur le contemporain et notamment sur cette prise. Ce qui m'amène au dernier point dont je voudrais parler, parce que c'est très souvent une certaine forme de religion dans le cadre des études qui s'intéressent à des mots, c'est la religion de la première occurrence. Quand est-ce que ça apparaît pour la première fois? Alors, en l'occurrence, avec Diaspora, comme avec Serendipity et Merton, il n'est pas très compliqué de savoir quand pour la première fois c'est utilisé. Donc, là, en l'occurrence, donc c'est la traduction de la Bible des Septante, quelque part aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ, enfin avant l'ère chrétienne, plus exactement. Donc, ce n'est pas d'une précision diabolique, mais ça nous dit quand même, en gros, à quel moment on peut le situer. Mais ce n'est pas tellement à ça dont... c'est pas à ça auquel je fais véritablement référence quand je parle de religion de la première occurrence. C'est religion de la première occurrence quand il s'agit de parler de la diaspora machin ou de la diaspora truc. C'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on commence à parler de diaspora noire? À partir de quel moment est-ce qu'on commence à parler de diaspora, népalaise, arménienne, grecque, russe, etc. Et c'est une tarte à la crème hein, de ce genre de travail véritablement, et j'en suis arrivé, mais vraiment au moment où j'écrivais ça, j'en suis arrivé à tenter de rationaliser un petit peu cette quête et à essayer de comprendre ses limites. Et donc je terminerai là-dessus. Ça ne sert pas à rien de remonter aussi loin que possible la question des occurrences. C'est pas un travail vain, en quelque sorte. Pourquoi? D'une part, parce que ça permet de démontrer que le terme existe. Vous pouvez avoir un terme qui pratiquement disparaît. Le terme de diaspora, en gros, entre le 5e siècle de l'ère chrétienne et la chute de Constantinople 1453, à l'intérieur du corpus grec, s'il est utilisé 15-20 fois, c'est le maximum. Donc il disparaît quasiment. Mais en même temps, il disparaît pas. C'est-à-dire qu'il est quand même là. Et qu'on voit parler, même ces micros usages que l'on peut saisir, on voit que son sens a en partie changé. On ne peut pas expliquer pourquoi, parce qu'on n'a pas justement cette continuité. Mais par contre, on saisit qu'il y a eu une certaine forme de changement parce que quand il va être utilisé au 15e siècle, il est utilisé dans une phrase où il ne peut pas avoir le sens qu'il a au 5e siècle de l'ère chrétienne. Donc il y a quelque chose. On ne peut pas l'expliquer, mais il y a quelque chose. Ça, il faut malgré tout, enfin, j'estime qu'il faut malgré tout pouvoir le prendre en compte. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que un terme disparaît, ou alors est-ce qu'il a une espèce de régularité et de continuité d'existence, de durée de vie, ou est-ce qu'il est tout simplement ressuscité à un moment? C'est aussi ce sont aussi des possibilités qui existent. Par ailleurs, deuxième point là-dessus, il peut y avoir un intérêt, enfin, je pense qu'il y en a un, à saisir le fourmillement, c'est-à-dire à saisir des moments où on voit très bien qu'il y a de plus en plus d'usages, mais que ces usages sont complètement dispersés, c'est un mauvais jeu de mots, qu'ils ne renvoient pas du tout les uns aux autres, et que par conséquent il est très difficile d'en faire quelque chose. Qu'il est très difficile à partir de ça de tenter de construire une logique d'évolution sémantique. Mais malgré tout, ce fourmillement, il est là. ça, on peut le constater. On peut constater le passage entre des périodes, je ne sais pas, les années 1870, quand je parle de ça, c'est les années 1870 à l'intérieur des, on va dire, des espaces écrits que j'ai pu étudier, donc en gros essentiellement monde anglophone, Europe occidentale, etc., monde russe, de toute façon le monde russe il n'existe pas du tout à ce moment-là. Une période où il n'existe quasiment pas, les années 1870, et puis le début du XXe siècle, où là, on commence à voir une multiplication d'usages. Très très différents, dans des secteurs complètement distants les uns des autres. Donc là, on peut remarquer, ne serait-ce que l'augmentation de l'usage. On ne sait pas forcément quoi en faire, et je ne sais pas nécessairement quoi en faire. Mais cette augmentation, elle dit malgré tout quelque chose. Ce fourmillement, il dit quelque chose. Et il va devenir d'autant plus important quand il va y avoir précisément un moment où une certaine forme de cumulativité va se mettre en place. C'est-à-dire que ce fourmillement, il est important pour mieux saisir l'émergence de la cumulativité. C'est-à-dire l'émergence du moment où on voit que l'usage qui est fait par un tel va être repris par un tel, qui va lui ajouter quelque chose, et qu'une troisième personne va reprendre les deux premiers usages, et qu'à partir de ce moment-là, il commence à se créer une tradition. Tout au moins une tradition d'usage de ce terme-là. Là, je peux vous garantir que c'est des moments où on a vraiment l'impression de découvrir quelque chose. On a l'impression de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Je vous donne juste un exemple, un historien juif russe du nom de Simon Dubnov écrit, bon, il a écrit plusieurs histoires du peuple juif, etc. Donc c'est vraiment un spécialiste de l'histoire des juifs. Et au début des années 1930, on lui demande, alors ça par contre j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi, on lui demande une entrée sur le terme diaspora dans l'Encyclopedia of Social Sciences, qui est une énorme encyclopédie des sciences sociales, qui est publiée au début des années 1930. Et donc il écrit cette entrée diaspora, qui est la première entrée, on va dire, non religieuse. Parce qu'il y a plusieurs entrées qui existent, mais qui sont pratiquement tous dans des dictionnaires de théologie ou des dictionnaires d'études bibliques ou des choses comme ça, qui sont intéressants aussi, mais qui n'ont pas cette portée-là. Et il a un premier paragraphe qui est étonnant parce qu'il vient littéralement, il vient faire passer de ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle il n'y a qu'un seul exemple, ce qui souvent était le cas de diaspora pour les juifs. Il passe de ça à l'idée que c'est un concept, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer à plusieurs autres cas. Et dans un seul paragraphe, il nous dit que finalement, diaspora peut aussi être appliqué aux Grecs, parce que la question de l'existence d'une grande Grèce, qui était une des revendications des Grecs avant la création de l'État-nation au milieu du 19e siècle, c'était justement cette revendication de rassembler les Grecs dans une grande Grèce, que pour lui, on peut y mettre aussi les Grecs et qu'on peut y mettre les Arméniens. Ça veut dire que rien qu'avec ce paragraphe qui fait 5 lignes, il vient dessiner, même si c'est d'une façon extraordinairement grossière et rudimentaire, il vient dessiner la possibilité d'un concept, en nous disant « il y a des ressemblances », parce que finalement un concept c'est que ça. C'est postuler, imposer des ressemblances entre des cas qui a priori apparaissent comme malgré tout distincts. Cette entrée par Dubnov, elle est reprise 8 ans plus tard, par Robert Park, qui écrit donc le sociologue, qui écrit un article sur les migrations des Asiatiques aux États-Unis, et qui va utiliser cette fois-ci l'usage, enfin qui va utiliser l'expression diaspora asiatique pour parler des Chinois, des Japonais, des Indochinois qui se trouvent en Californie à cette époque-là. Mais il n'utilise pas que diaspora asiatique. S'il n'avait fait que ça, d'une certaine façon, on aurait encore été dans ce fourmillement. Mais il met une note de bas de page. Et cette note de bas de page renvoie à l'entrée écrite par Dubnov. Sachant que Dubnov ne parle pas de diaspora asiatique. Donc là, on a, de la part d'un sociologue, l'usage de quelque chose qu'il saisit comme pouvant être un concept et dont il vient immédiatement élargir l'horizon en y ajoutant un cas. Et on voit quelques années plus tard, toujours dans cette logique de l'école de Chicago, ou en tout cas de la tradition sociologique de Chicago, on voit une sociologue américaine qui s'appelle Rose Humley, qui rédige une thèse sur les Chinatowns dans les montagnes rocheuses. Et dans sa thèse, elle écrit que les Chinatowns sont des diasporas chinoises. Et elle cite et Park et Dubnow. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cite Dubnow en tronquant complètement la citation. Mais bon, ça c'est un détail. Et donc, on peut comprendre qu'à partir de ce moment-là, tout au moins dans la tradition sociologique de Chicago, il se met en place de manière cumulative un usage qui devient un usage conceptuel. On se dit, ça on peut l'utiliser pour décrire tel type de phénomène. Et on voit qu'il est réutilisé au cours des années 50 et au début des années 60. Mais cet usage cumulatif-là, il va rester cantonné à la sociologie américaine. Et même plus que ça, à la sociologie américaine telle qu'elle est pratiquée à Chicago. Donc, au sens strict, ça ne prend pas d'une façon générale. On est encore dans une série conceptuelle indépendante. Pour saisir ça, il faut avoir, en tout cas je pense, il faut avoir vu le fourmillement antérieur. Donc la recherche de la première occurrence, elle est importante pour ça. Non pas tellement pour surestimer l'importance de cette première occurrence, non pas pour y trouver la vérité de ce qui va suivre, mais pour simplement comprendre qu'il peut y avoir des usages qui ne prennent pas. C'est-à-dire que non seulement il faut travailler sur les conditions de possibilité ou les conditions de félicité de l'émergence ou de la prise d'un terme, mais il faut aussi travailler sur les conditions d'impossibilité. Pourquoi est-ce que, à ce moment-là, ça n'a pas pris ? Qu'est-ce qui peut venir expliquer que ça n'a pas pris ? Et ça, c'est toujours dans le travail entre un moment que l'on étudie et puis un autre moment où, en revanche, on voit que ça prend. Qui permet éventuellement d'émettre un certain nombre d'hypothèses plausibles, pas plus que ça, vraiment dans la plausibilité weberienne, consistant à dire, voilà, les conditions qui se trouvent remplies à tel moment où l'on voit que là ça marche, eh bien il est évident qu'à ce moment-là, elles ne l'étaient pas. Ou alors, l'idée est là, parce que des fois on arrive à ça, l'idée est là, mais pour une raison X ou Y, le mot n'y est pas. Mais l'idée y est. Et donc, ça permet d'arriver à une certaine forme d'équilibre en tension entre l'onomasiologie et la sémasiologie dont je parlais tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Bien, merci beaucoup. Donc, on a 3 quarts d'heure pour des questions. Alors, je n'ai décrit aucun résultat, comme vous avez pu le voir, mais il semblait que c'était plutôt épistémologique, donc j'en ai profité. Moi, c'était déjà merci pour cet exposé très, très stimulant pour tout le monde, je crois. Justement, ma question était là-dessus. Est-ce que vous avez répondu à toutes ces questions, qui sont nombreuses et qui partent dans beaucoup de directions, en fait, ça qui est assez impressionnant. Quand je fais un travail sur le concept de perversion sexuelle, je pose toutes ces questions et plein d'autres qui sont évidemment relatives à mon concept, mais ce sont des réponses que je cherche. J'imagine que si vous avez gardé quand même l'ensemble de ces questions qui sont très bien articulées, c'est qu'elles ne se sont pas révélées être des impasses. Il y en a certaines qui se sont révélées des impasses. Il y a des choses que je comprends effectivement toujours pas. C'est aussi intéressant. Oui. Je comprends toujours pas effectivement comment en 1930 on demande à Dubnow d'écrire une entrée diaspora dans l'Encyclopédie of Social Sciences. Pour moi, c'est un mystère. Parce que si on pouvait comprendre pourquoi on lui demande ça, je pense qu'on pourrait peut-être résoudre un certain nombre de points sur l'usage américain du terme à ce moment-là ou des choses comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, quand on n'y arrive pas, faut juste accepter l'idée qu'on ne sait pas et qu'on ne saura pas. Nécessairement. Des résultats, il y en a, oui, bien évidemment, mais il y en a beaucoup. Je crois que l'idée principale a été de montrer que pratiquement à chaque fois, ce qui a fait la force du terme, et là j'insiste, c'est la force du terme, bien évidemment, via ses usages, ça a été le fait que tous les différents usages se sont stratifiés et ne se sont pas remplacés les uns les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique dans laquelle un usage en chasse l'autre. On est en fait, dans ce cas-là, c'est uniquement dans ce cas-là, c'est le seul que je connaisse véritablement, j'ai commencé une autre enquête de ce type-là, mais qui est un tout début. Les usages, ils se stratifient, c'est-à-dire c'est comme s'ils s'empilaient. D'une certaine façon, ils ne disparaissent pas. On pourrait même dire que l'usage théologique, et notamment l'usage théologique chrétien des premiers pères de l'Église au premier et deuxième siècle de l'ère chrétienne, il est encore présent dans un certain nombre de textes du Vatican qui utilisent l'idée de diaspora catholique ou de diaspora chrétienne. On l'a encore. Si on ne voit pas qu'il est déjà présent à ce moment-là, on pourrait avoir la tentation de dire, vous voyez, même l'Église catholique reprend le terme de diaspora. Ce qui serait du coup une totale aberration, parce que ça fait partie de leur... Ça a fait partie, plus exactement, de leur vocabulaire, avec un sens qui était véritablement très précis. Moi, ce qui m'a semblé être les conditions du succès du terme, ça a été ça. Ça a été cette stratification et surtout le fait que d'une certaine manière, essentiellement dans son usage académique, il y a plusieurs choses. Il y a un succès, on va dire, journalistique et il y a un succès académique. Et ces deux succès sont venus, et il y a un succès politique qui arrive en troisième position. Et tous ces succès sont venus se renforcer les uns les autres au point qu'au bout d'un moment, ils ne font que se reprendre les uns les autres. Je m'explique. Diaspora s'est avéré un terme très utile pour les journalistes à partir des années 1970 parce qu'il permettait d'éviter toutes les périphrases sur communauté émigrée, etc. Et qui permettait d'une certaine façon, dans le même temps, de dire qu'il y avait eu migration et qu'il y avait un lien à l'origine, quel qu'il soit. Il permettait de continuer ce lien. C'est-à-dire que diaspora venait dire, pas seulement dispersion, en fait il venait même pratiquement pas dire dispersion, c'est ça qui est intéressant, il venait dire migration et conservation d'un lien. Donc, a priori, tout l'inverse de ce qu'on considère comme étant la dispersion. Et il venait le faire en conservant l'idée d'un lien à l'origine, précisément au moment, et c'est là qu'il y a une affinité élective très intéressante, précisément au moment où on commence à réaliser que l'assimilation est quelque chose d'impossible. Il commence à être utilisé de manière massive dans les journaux américains, au moment où les chercheurs comme Glaser et Moynihan démontrent notamment qu'on est beyond the melting pot. C'est-à-dire que le melting pot, le creuset américain, c'est une vaste fumisterie. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces groupes migrants n'ont jamais perdu le lien. Ne se sont pas, au sens strict, assimilés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas américains. Ça veut dire que simplement qu'ils sont germano-américains, italo-américains, irlando-américains. C'est à ce moment-là que Diaspora prend une certaine partie de son envol journalistique. Parce qu'il permet, d'une certaine façon, par un mot, relativement simple, même si à l'époque, pas grand monde ne le comprend, on voit ça assez nettement parce qu'il y a des courriers de lecteurs qui disent mais je comprends pas pourquoi vous utilisez ce terme-là. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un usage journalistique et que d'un autre côté il y a parfois quand même une sorte de surprise de la part des lecteurs. Il y a ensuite un succès académique, et ce succès académique, donc dans une configuration particulière sur laquelle j'ai pas le temps d'insister, donc fin des années 80, début des années 1990, il va d'une part s'appuyer sur ce qu'il constate comme étant une augmentation des usages du terme, notamment journalistique, et surtout ce succès académique, il va se faire non pas par l'imposition d'une définition, mais par, dans un premier temps, la juxtaposition de deux définitions radicalement contraires, c'est-à-dire la définition centrée telle qu'elle a été mise en place par la science politique, consistant à dire que une diaspora, c'est une migration généralement liée à un traumatisme, et dans laquelle les membres du groupe conservent une mémoire du traumatisme et conservent un lien avec la terre ou l'état dont ils ont été chassés ou dont ils ont été obligés de partir. Ce qu'on appelle une définition centrée, qui colle particulièrement, c'en est le paradigme, l'exemple archétypal, à la question de la diaspora juive. À cette définition centrée, essentiellement une définition de science politique, va venir répondre progressivement dans une toute autre veine, dans une toute autre tradition intellectuelle, une définition qui va être portée par les cultural studies, et dans laquelle l'idée, c'est au contraire que la diaspora, c'est décentré. Ça n'est pas centré. Ce qui fait la particularité de ce qu'ils appellent la diaspora, donc Stuart Hall, Paul Gilroy, Arjuna Padura, Aiwa Hong, etc., c'est que la diaspora, c'est la déterritorialisation. C'est le refus de l'origine, parce que c'est le débat culturel sur ce que signifie le fait, par exemple, d'être noir. Et dans ce cas-là, le paradigme, l'exemple archétypal, c'est la diaspora noire. Ces deux définitions, elles sont en conflit très important au début des années 1990, jusqu'à ce qu'il y ait une opération de synthèse qui soit produite. Alors par des gens comme Steven Vertovetz, Robin Cohen, etc., à la fin des années 1990, et qui vont dire, oh, en fait, tout ça, bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça, hein, mais je me présente de façon un peu ludique, qui vont dire, c'est pas grave, cette opposition. Parce qu'en fait, on peut considérer que les diaspora studies, c'est tout ça. Et donc on vient produire, et notamment Vertovetz fait ça, il produit un article qui s'appelle « Trois formes de diaspora ». Et donc alors vous avez la diaspora comme forme politique, vous avez la diaspora comme forme culturelle, donc forme politique, version centrée, forme culturelle, version décentrée, et il en a un troisième que j'oublie là, immédiatement. Et en gros il dit voilà, le programme de recherche des Diaspora Studies, c'est ça. Il vient d'une certaine façon embrasser l'opposition a priori irréductible de ces deux définitions, mais il vient les réconcilier à l'intérieur d'un champ, d'un espace académique, celui des Diaspora Studies. Donc, tout devient possible. Et le succès, l'inflation, elle vient de là. C'est-à-dire qu'en gros, il est possible pour des chercheurs de venir se loger dans la niche diaspora, parce que c'est une niche, il faut voir que c'est de l'argent. C'est ça qui est important. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'il y a de l'argent à la clé. C'est parce que ça permet notamment de ressusciter la question des aires culturelles. Ce qu'on appelle les area studies dans le monde anglophone, et qui étaient en totale perte de vitesse. Et là, les diaspora studies permettent ça. Et elles permettent ça en venant ajouter, par ailleurs, une contribution à ce qui est en train également de se mettre en place à la même époque, c'est-à-dire la théorie de la globalisation. Et là, on fait le lien, diaspora, globalisation, et diaspora devient pratiquement le terme le plus contemporain qui soit. Si vous lisez à Padura, il y a de la diaspora partout. Dans une idée qu'on est pourtant dans un monde post-moderne. Donc la diaspora, c'est postmoderne pour lui. Alors que pour les autres, ceux qui sont partisans de la version centrée, la diaspora, c'est moderne. Parce que la diaspora, c'est lié à une nation, c'est lié à un territoire, il y a des frontières, il y a de la migration. Et pour certains, il peut même y avoir une vision qui est pré-moderne. C'est-à-dire que la diaspora, c'est antique. C'est au contraire plutôt lié à un moment où il n'y a pas véritablement de cristallisation territoriale, tout au moins pas telle qu'on la connaît. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour dire que finalement, il arrive un moment quelque part au milieu des années 90 où à peu près tout le monde et n'importe qui peut s'y retrouver avec diaspora. Et peut dire ce qu'il veut en utilisant le même terme. Et du coup, sans avoir à le définir. Parce que le mot, il arrive un moment où le mot parle de lui-même. Il parle tout seul. On n'a plus besoin de dire véritablement ce que c'est. Il a acquis un tel pouvoir via les usages. Il parle tout seul. Maintenant, quand vous voyez la plupart des articles qui traitent de diaspora, ils ne prennent plus la peine de définir ce dont ils parlent. Comme si c'était quelque chose qui était évacué. Et alors après, il y a un troisième moment politique, je prends deux secondes, où de plus en plus d'États vont s'emparer d'administration étatique, vont s'emparer du terme pour venir décrire l'espace de leurs ressortissants, aider en cela et inciter en cela par des organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation internationale pour les migrations. Et donc on voit se multiplier les usages. Ces usages qui se multiplient sont généralement informés au niveau des États par le travail d'experts. Et ces experts utilisent les définitions académiques. Donc on recycle les définitions académiques via les experts. Les experts, les travaux des experts sont repris par les administrations étatiques qui donc vont venir nommer diaspora leur population résidant à l'étranger. Et les chercheurs vont utiliser ces exemples d'États venant s'emparer de leur diaspora comme des exemples supplémentaires du succès, non pas de la formule, mais du succès des diasporas en tant que forme. Et là, tout se mélange. Puisqu'il y en a de plus en plus, eh ben le discours journalistique les reprend également, et le discours journalistique informe le discours académique, qui informe le discours politique, qui revient en boucle. Et au bout d'un moment, bah ça marche tout seul, d'une certaine façon. C'est schématique, hein, bien évidemment, mais en tout cas, les boucles, on peut les boucles, on peut les voir assez facilement. Enfin, moi, je voudrais justement aller dans le sens, vous venez un peu d'en parler, mais peut-être aller voir si vous avez dans vos travaux, si vous êtes allé plus loin dans vos travaux sur ces questions-là. De ces usages de termes, diaspora, mais d'autres, en termes de, comme mots valises, justement, qui sont utilisés sans être définis, ou la notion de gros concept, de Deleuze, enfin, tous ces usages de termes qui, effectivement, sont repris en boucle, sans jamais être défini, parce que ça permet effectivement de faire croire qu'il y a consensus sur des mots, qu'on partage des mêmes sens, alors que effectivement on peut avoir des sens complètement différents. Alors j'ai essayé de le faire un peu avec diaspora, mais diaspora présente une particularité, c'est qu'effectivement c'est un mot valise, qu'en plus c'est un mot qui est aussi assez largement, un mot qui peut servir de porte-manteau, c'est-à-dire qu'on peut véritablement venir y raccrocher ensuite tout ce qu'on veut, ça c'est tout à fait possible, mais d'un autre côté c'est pas un mot suffisamment populaire pour qu'on puisse totalement l'utiliser comme ça. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a eu quelques sondages qui ont été faits, alors à ma connaissance, pas en France, mais il y a eu des sondages qui ont été faits en Russie, justement, à propos des usages de diaspora russe, etc. Et il s'avérait que c'était une minorité, vraiment, de la population, interrogée en tout cas, qui était susceptible de comprendre ce dont il était question. C'est-à-dire qu'on estimait qu'en gros, c'est les études qui ont été faites, hein, qui estiment qu'il y avait 15% des gens qui avaient été interrogés, et bien évidemment dans ces 15%, quand on commence à regarder, c'est ceux qui ont fait le plus d'études, bien évidemment, qui en gros étaient capables de comprendre de quoi il était question, et qui étaient à peu près capables d'en fournir, si ce n'est une définition précise, mais tout au moins une idée générale. Parce qu'après, il y avait des gens qui disaient « Ah bah oui, je vois très bien ce que c'est. » Et quand on leur demandait de définir, ils s'avéraient qu'ils ne voyaient absolument pas de quoi il s'agissait. Donc on arrivait à un noyau de 15%, en gros. Ce qui est relativement peu, malgré tout. Par contre, là, je suis en train de commencer un travail qui est plutôt sur... sur le terme de globalisation et mondialisation. Et alors là, typiquement, on a affaire à ça. C'est de manière évidente. Vous avez tout à fait raison. Là, avec Diaspora, c'est difficile à faire. Tout à l'heure, vous parliez de multiplication des usages, des termes. Est-ce que c'est pas plutôt une réduction, enfin, et c'est pas plutôt une multiplication de l'usage du terme, et plutôt une réduction des sens, enfin des usages, c'est-à-dire des sens différents dans lesquels on peut effectivement utiliser un terme. Parce que je pense pas. Visiblement pour le cas de Diaspora, ça c'est peut-être pas sans doute pas le cas d'après ce que vous dites. Mais par contre, pour un certain nombre de justement de mots valises, il y a une espèce de réduction du sens. Ouais. Effectivement, il y a des sens qui viennent dominants. Mm. Alors il y a peut-être effectivement des sens qui subsistent à côté d'eux, mais il y a quand même Une domination. Des sens qui sont il y a plus qu'un petit nombre d'acceptions du terme qui domine et qui empêche de toute autre approche justement. Ouais. Donc il y a une forme de réduction, de réductionnisme des sens. Quand je disais multiplication, ça marche pas. Non, puis même quand je disais multiplication des usages, je voulais dire augmentation quantitative du nombre d'usages et du nombre d'occurrences. Sûr, ouais. Après, pour Diaspora, il y a quand même, j'avais fait ça une fois. Je disais qu'on pouvait repérer en gros 9 acceptions différentes. Et parfois sur ces 9, il y a des articles de presse dans lesquels on peut assez facilement repérer le glissement entre 3 d'entre eux au moins, ce qui est déjà beaucoup. C'est-à-dire que Diaspora va pouvoir par exemple venir, si on va dire la diaspora chinoise de Paris. Et puis d'un autre côté après, on va nous dire dans le monde la diaspora chinoise. On ne peut pas du tout décrire la même chose. Ça n'a pas de sens de décrire quelque chose qui est censé représenter une certaine forme de communauté à un endroit précis, avec donc des modalités de reconnaissance, d'interconnaissance, d'interreconnaissance. Et d'un autre côté, la constitution à une échelle beaucoup plus grande, et donc du coup, comme l'échelle n'est pas la même, il s'avère que les processus sociaux ne sont pas du tout les mêmes, c'est quelque chose qu'on présuppose comme étant la diaspora, chinoise. Et puis on va avoir par exemple à un moment on va nous dire la diaspora chinoise c'est 50 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on nous parle simplement d'une agrégation statistique. Donc là il n'est plus du tout question d'un groupe. Et alors ça, les glissements ils sont absolument permanents. Et en gros c'est 7, 8, 9 principaux, ils existent encore. En gros, après, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a des impositions de sens avec des sens qui disparaissent. Avec mondialisation, c'est très clair. C'est un des premiers usages, et même à ma connaissance, le premier véritable usage, c'est un premier usage ayant pris, encore une fois, en français. C'est un usage dont on ne parle absolument jamais. C'est un usage qui date de la fin des années 1940, dans le cadre du mouvement des citoyens du monde. C'est le premier véritable usage de mondialisation en français. Il n'est, à ma connaissance, pratiquement jamais cité. Il a disparu. Oui, puis sur la mondialisation, il y a une espèce de réduction où effectivement on considère que ça n'existe que depuis 10, 20, 30, depuis une période très très récente, alors que c'est un phénomène qui existe depuis 200, 300. Si on lit Nayam Chanda, il remonte à la préhistoire. Hein, donc, bon, voilà, on peut aller très loin. Avec du coup, la question, c'est est-ce qu'on décrit quelque chose du coup. Mais bon, bref. Mais non, ce qui me paraît particulier avec mondialisation, je parle vraiment du terme français là en l'occurrence. C'est la façon dont il est assez largement lié aux États-Unis. Quand vraiment il se cristallise en France au début des années 1990, quoi. Ça vient décrire une hégémonie américaine, quoi, essentiellement. C'est pas bien. Merci aussi pour cet exposé qui est intéressant, mais je voulais poser une question plus dans le méthodologie, l'épistémologie. Je comprends la nécessité que vous avez décrite de ne pas avoir une approche trop normative au départ pour s'intéresser à chacun des usages et ne pas les laisser de côté parce qu'ils ne correspondent pas à la définition initiale en partant dans la recherche. Mais est-ce que aussi, ça c'est dans le cours de la recherche, et c'est effectivement, je pense que c'est tout à fait central, est-ce qu'au bout du travail en quelque sorte, un des intérêts de la recherche, c'est de pouvoir dire bah, telle acceptation du terme, je la distingue bien de cette acceptation-là, de cet usage, et donc, je peux dire que cet usage, en fait, est fautif, par exemple, pour décrire tel phénomène, parce que, contrairement à tel usage, qui est le plus intéressant, enfin, décrit en tout cas, parce que vous avez bien dit qu'il y a quelque chose qui est créé par rapport à la définition, mais malgré tout, même si c'est créé, il y a des éclairages qui sont plus ou moins féconds, plus ou moins intéressants, et d'autres qui sont plus, qui vont être un peu idéologiques, qui vont masquer ce qui est intéressant. Donc, quelle est votre réponse à... C'était pas mon travail. C'est terrible, hein, mais c'était pas mon travail. C'est-à-dire qu'en fait. Vous ne condamnez pas cette. Cette idée, de toute façon, je condamne rien. Voilà. Au sens strict, je ne condamne rien. Mais mon travail, ça n'est pas un travail sur les diasporas et comment peut-on les décrire idéalement et à l'aide de quels outils. C'est pas du tout ça. C'est pas que je refuse ça, c'est que j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de faire autre chose. J'avais l'impression que ça n'avait pas été vraiment fait. C'est pas une pirouette. Hein. C'est simplement que. Je vais vous donner juste un autre exemple. On m'invite régulièrement à des émissions de radio ou télé ou n'importe quoi pour venir parler des diasporas. Chaque fois, je leur dis non. C'est... On m'a proposé de faire, mais je ne sais pas à combien de reprises, de faire un essai sur les diasporas ou de faire un atlas des diasporas chez Autrement. Ben, non. Non. En termes de carrière, c'est très mauvais, hein, mais c'est pas mon job, quoi. C'est pas ce que je sais faire. L'exemple que je donnais, c'est celui que vous avez donné, parce que je ne connais pas bien, vous avez parlé de. Je me souviens pas dans mon script, le terme n'apparaît pas. Et vous dites, pourtant, à un moment donné, certains. Non, il n'existait pas pour les Grecs. Pour les Grecs, mais après, si j'ai bien compris, si on me suit en votre exposé, je ne vais pas revenir sur ce sujet, certains ont utilisé le terme diaspora pour le faire, pour l'appliquer finalement. Oui. Alors c'est pas votre travail, c'est pas votre travail, mais est-ce que vous dites c'est pas sérieux, est-ce que vous reconnaissez que ça va être intéressant aussi de faire ce que vous voulez? C'est une très bonne question parce que j'ai une très bonne réponse. Qui est que cette année, dans l'un des sujets de l'agrégation d'histoire, le sujet d'histoire antique, c'est les diasporas grecques, 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et l'association des l'association des historiens de l'enseignement supérieur spécialiste de l'Antiquité, enfin bref, qui rassemble tous les gens qui sont les latinisants et les hellénisants, étaient réunis en mai en grand symposium sur préparation des leçons d'agrég et des machins, etc. Et ils m'ont invité à faire la présentation d'introduction de leur séminaire. Parce qu'en fait, ils étaient, mais ulcérés, que ce soit ce terme-là qui ait été choisi pour ça. Parce qu'en fait, pour eux, souvent ça ne décrit rien. Pour eux, hein, je parle. Souvent ça ne décrit rien. Et en plus, ils voient ça comme un gadget complet. Et donc je leur ai fait une présentation en leur disant, déjà premièrement en leur rappelant que du 8e au 3e siècle avant l'ère chrétienne, le mot même n'existe pas. Puisqu'il apparaît au 3e siècle avant l'ère chrétienne. Donc déjà, dans un premier temps, ils peuvent quasiment évacuer cette question-là, puisque le mot même n'existe pas. Mais je leur ai dit d'un autre côté, on vous le propose comme ça. Est-ce que le plus simple, ça n'est pas justement de l'utiliser avec les étudiants à partir de son sens contemporain, c'est-à-dire d'assumer l'anachronisme? On peut faire ça. On peut assumer l'anachronisme. D'ailleurs, une des principales chercheuses qui a incité à assumer l'anachronisme, c'est Nicole Loro, qui était une helléniste. Et ça me paraît tout à fait intéressant. C'est-à-dire, ne plus être dans une position historienne professionnelle consistant à dire l'anachronisme c'est une horreur, mais consistant à dire on peut l'assumer dès l'instant qu'on sait de quoi on parle. Dès l'instant qu'on sait que le terme n'était pas utilisé à ce moment-là, et que par conséquent, il ne pouvait pas décrire sous la forme d'une catégorie indigène le processus dont il est question. Mais en revanche, si on le prend comme un concept, on peut tout à fait tenter de l'appliquer. Et à ce moment-là, je leur ai fait une typologie des choses qu'ils pouvaient décrire à partir des différents usages contemporains conceptuels qui existaient, à partir des cultural studies, à partir de la science politique. Ils pouvaient faire des choses en termes de centre et périphérie, ils pouvaient faire des choses en termes de réseau, ils pouvaient faire des choses en termes de maintien de liens, ils pouvaient faire des choses en termes de mémoire du traumatisme, pourquoi pas. Donc, je ne suis pas du tout contre cette idée-là. Simplement, ça implique un travail sur le concept et sur le sens du concept. Et donc, voilà ce que j'ai essayé de leur amener. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'avais une très bonne réponse, que là, c'est pratiquement... On va avoir l'impression qu'on avait préparé cette question. Mais... Donc non, je suis opposé absolument à rien. Pas du tout. Allez-y. Moi, c'est plus par rapport à votre livre. Et je me demandais, en fait, si votre travail, il était poussé par une socio-sémantique historique, quel que soit le mot, et en l'occurrence, c'est tombé sur le mot diaspora, ou en fait, parce que vous interrogez peut-être davantage sur la notion d'identité. Parce que quand on prend le terme diaspora, et maintenant vous travaillez sur le terme de mondialisation, globalisation, et parce que j'ai été très sensible en fait à la description, au long chapitre sur diaspora juive, diaspora noire. Mmh. Et finalement, en fait, vous vous attachez complètement à essayer d'expliquer que ça pourrait être une voie d'explication pour ce que voudrait dire être noir à partir du terme diaspora. Et donc, vous me demandez, en fait, si finalement, c'est pas... Ça, c'est une... En fait, si vous voulez, c'est une question qui consiste à... Enfin, la réponse consiste à tenter d'expliquer pourquoi on passe d'un sujet à un autre, en fait. Je suis arrivé à Diaspora via la question de l'exil. C'est-à-dire, comme je disais au début, j'avais l'impression que les usages contemporains de diaspora ne permettaient pas de penser la spécificité de l'activité politique en exil. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et en commençant à travailler sur diaspora, il y a plusieurs autres choses qui sont apparues, c'est-à-dire qui sont des conséquences du travail, en fait, et qui ne sont pas des motivations du travail. La question de l'identité, oui, mais c'était pas un fondement véritablement du travail. C'est apparu après, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument pas faire ce travail-là si je n'investissais pas dans une compréhension la plus approfondie possible de la manière dont l'espace de la cause noire avait investi le terme de diaspora. Ce qui impliquait de pouvoir véritablement retracer ou tenter de retracer les conditions de possibilité de cet investissement-là, ce qui m'a fait perdre un nombre d'années incalculable par rapport au moment où cet ouvrage aurait dû être terminé. C'est-à-dire qu'en fait, on est poussé, enfin, ça a été mon cas, j'ai été poussé par les questions qui m'arrivaient par le travail, et absolument pas poussé par un plan prédéterminé dans lequel il fallait qu'il y ait la question de l'identité et la question de la globalisation et la question du langage, etc. Non, tout ça, c'est arrivé par le travail. Et du coup, après, j'ai travaillé sur la question des identités et maintenant, je travaille sur, depuis plusieurs années, sur la question de la globalisation, etc. C'est arrivé, en fait, de cette façon-là, comme s'il y avait non pas un sujet qui poussait l'autre, mais comme si, à l'intérieur d'un travail de recherche, il y avait des sujets qui poussaient, comme s'il y avait des pistes de recherche qui commençaient progressivement à germer et qui se mettaient en place par la bibliographie qu'il était obligatoire de mettre en place pour un sujet comme celui-là. Bon, ça c'est un texte d'habilitation à la base, et la biblio elle fait 80 pages, la biblio finale de ça. Alors bien évidemment elle n'est pas là, mais c'est énorme comme bibliographie, parce qu'il fallait creuser dans un nombre de domaines dans lesquels je ne connaissais mais rigoureusement rien. Et ce qui est un petit peu décevant, c'est que je m'attendais justement à ce que les spécialistes de ces différentes questions s'en emparent pour me déchiqueter, et c'est pas le cas. Mais non pas qu'ils ne me déchiquetent pas, mais qu'ils ne s'en emparent pas. Et ça, c'est frustrant. par contre. J'aurais aimé que les spécialistes des études juives viennent me dire que j'avais rien compris, ou que c'était pas comme ça que ça s'était passé, ou que les spécialistes, je sais pas moi, de Du Bois... vous avez énormément en fait travaillé sur des questions que vous ne connaissez pas à la base, mais finalement vous devenez presque... Non, je pense pas. Non, ça je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas trop de... Sur diaspora, vous avez quand même travaillé sur... beaucoup de la littérature qui touche cette question-là. Et... Oui, bah, mais c'est le boulot, quoi. Du coup, c'est ça qui fait que je pense que c'est Non, je suis pas certain. Je pense que simplement c'est pas forcément le type de travail qui. Je vois les recensions qui en ont été faites. C'est des gens qui ont été ils ont été prendre à l'intérieur de l'ouvrage ce dont ils s'estimaient capables de parler. Donc quand ça a été un philosophe, il a été prendre le chapitre sur les post-structuralistes. Quand ça va être, je sais pas, il paraît que Papendia il m'a dit qu'il était en train d'en faire une. Donc, j'espère qu'il va, il va s'emparer, mais pas que, qu'il va pas s'emparer seulement de la deuxième partie sur Juifs et Noirs, mais qu'il va s'emparer de plus que ça, et qu'on parle du projet, quoi, de cette idée un petit peu générale et complètement emparée, quoi, quand même, de vouloir faire un truc. C'est totalement déraisonnable. Là, c'est faut le reconnaître. Je referai pas ça. C'est à peu près évident, mais c'était pas prévu comme ça. Ça devait pas être ça. Ça devait être un travail bien limité, 3-4 ans, et pas 10 ans, passer son temps à lire du grec et des choses comme ça. C'était pas l'idée initiale. En tout cas. Voilà. Je sais pas si je réponds, mais. Voilà. Vous avez une question ? J'en ai quelques-unes. Quelques-unes ? Je ne vais pas toutes les poser. C'est des questions, plutôt je reviens du coup sur la méthodologie. Et en même temps, ça fait écho aussi à des difficultés que j'ai ou à des questions que je me pose par rapport à ma recherche. Donc, le premier point que vous avez fixé, c'est l'idée que les mots n'ont pas d'histoire. C'était le premier point. Et en fait... Moi, ce que j'avais compris, alors je reprends votre terme de formativité, est-ce que, justement, à un moment donné, quand on dit qu'on... quand on nomme, finalement, on fait aussi le groupe, est-ce qu'on ne pense pas que le mot vient faire l'histoire aussi, à ce moment-là ? Parce que c'est pas le mot qui le fait. C'est le fait qu'il soit... c'est le fait qu'il soit prononcé. La formativité, elle n'est pas dans le mot. Elle est dans l'acte du dire. Oui, et dans qui ? Quand vous avez le gouvernement indien qui commande un rapport sur la diaspora indienne en 2001, la première phrase du rapport final, c'est la diaspora indienne compte 20 millions de d'individus ou de membres dans le monde. C'est la phrase formative par excellence. Mais je ne sais pas si... Si n'importe quel conducteur de rickshaw de New Delhi disait la diaspora indienne compte 20 millions de membres, je ne suis pas certain que ça servirait d'une façon ou d'une autre la constitution de la diaspora indienne. Alors que là, on a affaire à un texte officiel qui est produit par des gens qui sont censés être des experts, des sommités, nommés par le gouvernement indien, il est évident que le poids n'est pas le même. Je suis voilà. Et c'est souvent l'erreur qui a été. Enfin, c'est pas les. Je dis pas que vous avez commis une erreur, hein, mais c'est une des questions principales quand on essaie de comprendre Austin. Parce qu'Austin n'est pas très clair si le pouvoir performatif est dans le mot ou dans la situation. Donc, je pense que c'est plutôt dans la situation, parce que comme il dit que c'est dans la situation. Même s'il y a des moments où c'est ambigu, je pense qu'il est plutôt sur cette logique-là. C'est comme ça également que Bourdieu l'a compris. Contre les linguistes qui estimaient qu'il y avait une performativité à l'intérieur même du mot, comme si c'était le mot en tant que tel qui était magique d'une certaine façon. Alors ceci dit, cette idée de magie du mot, c'est une idée assez ancienne, puisqu'on l'a chez Mauss dans le texte sur la prière, par exemple. Il dit qu'il y a une... Il parle d'une magie des mots, et Everett Hughes... également un texte comme ça dans les années dans les années 50 sur la question de l'efficacité et de la magie des termes. Mais en tout cas, c'est pas une magie qui est enchâssée à l'intérieur des lettres. C'est une magie qui est donnée, c'est une aura, si vous voulez, qui est donnée au mot par la façon dont on l'utilise. Ma deuxième question, c'est sur vous parlez d'une approche onomasiologique. Et en fait, moi j'ai l'impression, en tout cas, enfin, j'ai du mal dans ma recherche à... Je suis toujours dans une tension entre les deux. J'ai du mal à prendre un parti pris. Et je me demandais, par rapport à votre écrit, par exemple, est-ce que quand vous allez du côté de la dispersion, pour aller saisir finalement un sens de diaspora, c'est pas une forme de sémasiologie ? Si, il y en a en partie. C'est ce que je disais, à la fin. Il y a forcément à un moment une tension. Ça, j'ai l'impression qu'on est obligé de déborder. Oui, mais je pense qu'il faut, idéalement, j'ai pas de conseils vraiment à donner non plus, mais il faut arriver justement à garder les deux en tension, et il faut savoir, il y a toujours une piste principale, qui est l'une ou l'autre. Je sais pas si quand vous prenez par exemple toutes les, vous prenez le bouquin de Taguieff sur l'idée de progrès, manifestement il ne fait pas une onomasiologie de progrès. Il fait un texte sur l'idée de progrès. Et c'est ça qui va avant tout l'intéresser. Il y a beaucoup plus de sémasiologie qu'il n'y a d'onomasiologie. Dans les faits, vous avez beaucoup plus d'ouvrages ou d'articles avec l'idée de, plutôt qu'un suivi aussi précis que possible d'un terme, où finalement il y a assez peu de cas véritablement développés, ou alors sur une toute petite période, ce qui est intéressant, je ne nie pas que ça soit intéressant, mais des tentatives sur la très longue durée comme ça, j'en vois pas beaucoup. Bah, c'est pareil, je m'attendais à être taillé en pièces par les historiens et par les linguistes. Ça n'a pas l'air de les intéresser du tout, finalement. Les linguistes non plus. Non. La bonne question, c'est sur la socio-sémantique. Oui. Il y a des fois à cheval entre plein de choses. Oui, mais au bout d'un moment, quand on est à cheval, en fait, on est nulle part. Ouais. C'est un peu frustrant. Ouais. Moi, j'étais, bon, c'est, je parle de mes a priori, bien sûr, partie dans l'idée, en fait, que là, je fais une thèse de sociologie, j'allais me servir de l'histoire et de la sémantique pour habiter ma thèse de sociologie. Mais dans votre idée de socio-sémantique historique, finalement, c'est ce qu'on dit, c'est une forme hybride où il n'y en a pas un qui prédomine l'autre. Ouais. C'est ça l'idée. C'est l'idée. Ouais. D'accord. J'aimerais assez qu'on puisse dire que c'est pas un bouquin de sociologie, que c'est pas un bouquin d'histoire, et pas un bouquin. Non, c'est un travail. Les autres questions, je vais laisser parce que les autres, elles sont très intéressées. Vous n'aurez peut-être pas les réponses. Parce que vous ne voulez pas dire le pourquoi. Mais je vais quand même la poser. Je me demandais qu'est-ce que vous pensiez de cette histoire de diaspora musulmane avec Saint-Blanca. J'en ai discuté avec Saint-Blanca. Elle est totalement persuadée de son coup. Hein. Elle y croit, mais à la limite, bon. Moi, je peux pas vous dire ça existe ou ça existe pas. J'en ai aucune idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils en parlent. Voilà. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, finalement. C'est le plus intéressant. Moi, ma question par rapport à ça, c'est portée sur le. À un moment, vous avez dit les conditions d'impossibilité, l'usage est conçu. Est-ce qu'il y a des communautés, des pays, des populations pour lesquelles on a l'impression que c'est une forme de diaspora, mais pour lesquelles on n'utilise jamais le terme ? Ah. Je crains de ne pas pouvoir répondre à ça. Je ne sais pas. Pendant longtemps, justement, c'est un des fils conducteurs du bouquin. Pendant longtemps, justement, ça a été le cas des Noirs américains. Pour aller vite, au point que très souvent, il y a beaucoup de textes qui sont écrits sur diaspora noire et qui disent que c'est Du Bois qu'il a utilisé pour la première fois. C'est faux. Mais... C'est presque un wishful thinking, quoi. Ils auraient bien aimé que, d'une certaine façon. Alors, il utilise diaspora, mais toujours pour les juifs. Mais par contre, il parle de dispersion noire. Donc, je trouve que c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. De voir pourquoi on a ça. Il fait sans arrêt la question, le parallèle entre juifs et noirs. Et il y en a d'autres qui le font également. Mais sous sa plume, il y a il n'y a pas ça. Et c'est pas grave, à la limite, ça n'a aucune importance. Parce que je pensais précisément un exemple précis dans le cas des jeunes d'origine maghrébine. Il y a tout le temps en termes de communauté, communautarisme, mais il n'y a jamais diaspora. C'est vrai. Donc je m'interrogerai. Pourtant, on parle de diaspora musulmane. Ouais. À l'époque, en tout cas, dans les années 80, mais c'est vrai qu'en français, on n'en parle pas trop. Mais non, en français. Quand vous dites journaliste, en fait, vous pensez pas aux français, c'est ça? Si. Alors, pardon, c'est là il faudrait être plus précis. C'est qu'en fait, une historicité décalée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en France, même dans les années 80, on n'utilise pratiquement pas diaspora. On l'utilise pour les juifs, on l'utilise un peu pour les arméniens. Alors c'est toujours pareil, il y a des usages antérieurs. Par exemple, on a l'impression, je discutais l'autre jour avec Emmanuel Mamingue, donc spécialiste de la diaspora chinoise, et qui me disait que c'était finalement très très récent de parler de diaspora chinoise. Et je lui dis, ça n'est pas tant que ça. Il y a au moins un texte des années 1920 qui français qui parle de diaspora chinoise. Et il n'en avait jamais entendu parler. Donc je lui dis, ça change rien. C'est un texte. Et c'est rien, mais on peut pas dire ça n'existe pas. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je sais pas, c'est son boulot. Mais on peut pas dire du coup ça n'existe pas. C'est pareil pour diaspora arménienne, on l'a depuis les années 20. Le que sais-je sur. C'est pas un que sais-je, pardon, mais il y a un ouvrage de synthèse un peu équivalent qui est écrit sur l'Arménie dans les années 20. Qui est un petit bouquin de géographie, si vous voulez, c'est une sorte de synthèse de géographie. On utilise diaspora. On parle de diaspora auvergnate en 1921. Voilà. Je sais pas si vous en parlez beaucoup de ça dans votre livre, mais ce qui joue dans le fait que ça prenne ou pas, c'est aussi est-ce que ça a des effets concrets, est-ce que la performativité a des effets concrets sur les acteurs, sur les gens. Alors il y a le fait. Je suis pas certain que les acteurs se posent la question en termes de est-ce que ça va avoir des effets concrets. C'est est-ce qu'ils sont surtout à la recherche d'un lexique. Est-ce qu'ils sont à la recherche de termes pour se nommer. Et ça joue un rôle absolument. Ça joue un rôle absolument fondamental. Et il y a des configurations. Hein, il faut les expliquer. J'ai pas le temps de les expliquer ici. Mais il est vraisemblable aussi, parce que souvent ça s'est produit, notamment dans le cas de populations arabes ou musulmanes, il y a un refus de diaspora parce que c'est juif. Ils le voient comme ça. Vous pensez à quelque chose en particulier en fait? Je pense en particulier au fait, je me souviens, il y avait tout un courrier des lecteurs du New York Times en 1979, si je me souviens bien. Alors là, c'est exactement l'inverse, si vous voulez, mais j'ai un autre exemple concurrent, où il y avait eu un usage de diaspora palestinienne, et où il y avait le représentant d'une organisation juive américaine qui disait que c'était véritablement scandaleux, qu'on ne pouvait pas s'approprier comme ça les mots qui appartenaient à une communauté. Je trouve ça relativement intéressant. J'étais tombé sur le blog de la communauté mondiale des habitants de la ville de Goa, en Inde. Et à un moment, donc c'est un blog, ils discutent, etc. Et pendant 2 mois, ils se sont posé la question, mais partout on parle de diaspora machin, de diaspora truc, etc. Est-ce qu'on pourrait pas être une diaspora goane? Et alors là, c'est parti dans tous les sens. Entre ceux qui disaient, non, c'est les juifs, on peut pas, ça n'a rien à voir avec nous. Entre ceux qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un terme à nous? Hein, tout simplement. Donc ils vont chercher dans leur langue, le Konkani, ils vont chercher l'équivalent du mot dispersion. Et ils disent, on n'a qu'à prendre ça. Puisque dispersion, c'est diaspora, ça veut dire que le terme Konkani pour dispersion, ça serait l'équivalent Konkani de diaspora. Et donc, est-ce qu'on peut s'appeler comme ça? Et ils fabriquent des mots, alors là, pour le coup, vraiment des trucs porte-manteau. Ils prennent 2 mots, tchac, ils essaient d'en fabriquer un à partir de ça. Ils arrivent avec un truc, ils disent, on va s'appeler la porte d'Exporia. Alors, ça vient de tout un tas de trucs, hein, de mots, etc. Puis il y en a qui disent, oui, c'est un petit peu compliqué quand même, port d'Exporia, je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir le faire. Et puis il y en a un, il s'accroche et il continue à parler de port d'Exporia Gohan, etc., file les articles. Au bout d'un moment, il y en a un qui dit, est-ce qu'on ne peut pas juste dire diaspora? Il dit, d'accord, c'est juif. Ok. Donc déjà, ils rabattent l'exemple juif dessus. Ils disent, ok, c'est juif, mais au moins, tout le monde sait de quoi on parle. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Tout le monde sait de quoi on parle. c'est cette voilà, c'est pareil, quand on trouve ça on se dit j'ai gagné ma journée, c'est bon, je peux arrêter ça, je sais quoi en faire, si vous voulez. Et je pense qu'il serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose un peu comme ça, sur le fait que c'est trop juif. Ouais, c'est possible. C'est... Robin Cohen m'expliquait que donc, son bouquin sur Global Diasporas, il l'écrit en 90, il le publie en 97, mais il y pensait depuis le début des années 1980. Et il l'a proposé à plusieurs éditeurs, dont un qui lui a dit que c'était trop juif. Donc il y a quand même quelque chose qui relève aussi d'une sorte de lourdeur et de charge, de poids. Qu'il y a dans le terme. Par contre, ça ne gêne pas du tout. Alors, Stuart Hall s'en explique dans plusieurs articles, mais ça ne gêne pas tant que ça, finalement. Il dit, oui, je sais, pendant longtemps, j'ai refusé de l'utiliser parce que c'était trop juif. Et puis il dit, mais finalement, c'est le meilleur terme. Donc, je le renverse complètement. Donc, il y a des effets, il y a des jeux quoi, stratégiques sur ça, parce qu'il le fait avec une volonté tout à fait particulière. Juste une question, parce que là vous avez évoqué finalement votre corpus, tout à l'heure vous en avez parlé sans en parler, ouais. Vous pouvez juste préciser sur, ça m'intéresse de savoir sur quoi vous avez travaillé en termes de corpus. Ben, j'ai travaillé à peu près sur toute banque de données possibles et imaginables, utilisables à l'époque. Donc bah, toutes les banques de données américaines, allemandes, anglo-saxonne que je pouvais trouver. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça ressemble à rien, quoi. C'est vraiment, c'est bêtement, je tape diaspora et je vois ce qui tombe, quoi. Et je dépouille. Dans un premier temps, c'est que ça. Et puis, progressivement. Combien de temps pour le constituer, votre corpus ? Pas en une seule fois, d'ailleurs. Non, pas en une seule fois, parce que j'ai d'abord commencé par le truc grec, ce qui était déjà bien tordu. Parce qu'en plus, il fallait faire la correspondance hébreu-grec, ce qui impliquait de connaître un minimum d'hébreu, ce qui prend du temps. Donc, déjà, ça a été le point de départ. Et après, ça a été, oui, véritablement les banques de données. Quand j'avais résolu, en gros, le problème du lien entre la période qui va du 15e au 19e, qui n'est pas facile à étudier parce que justement il y a très peu de banques de données à ce niveau-là. Donc quand j'avais réussi à faire ça, après ça a été toutes les banques de données contemporaines, de presse, tout ce qui pouvait exister, Google Books, Gallica, la BNF, la bibliothèque du Congrès, tout quoi. Tout marchait. C'était vraiment c'était très Feyerabendien à ce niveau-là, c'est-à-dire. Tout pouvait coller, je ne me suis pas interdit grand chose à ce niveau-là. Après, c'est du tri, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de méthodologie, quoi. Méthodologiquement, ça ressemble à rien, quoi. N'importe qui dirait que ça tient pas une seconde. C'est pas tellement ce qui m'intéresse. C'est le produit fini. Et je ne suis pas certain qu'on pourrait arriver à ça avec une. Un truc hyper carré, consistant à épuiser vraiment un corpus. Quel corpus ? C'est ça l'énorme problème. Quel corpus est-ce qu'on essaye d'épuiser ? Par contre, du coup, j'insiste vraiment sur l'idée de mosaïque. C'est-à-dire qu'il y a, il y a sans doute des pans entiers qui ne sont pas, pris en compte parce que ben, voilà, j'y ai jamais pensé ou qu'il n'y avait pas moyen d'y accéder à ce moment-là, et que je ne ou des langues que je ne parle pas, et il y en a un paquet, etc. Donc c'est pour ça que c'est. Ben moi je vois ça comme un livre potentiellement ouvert. C'est-à-dire qu'on peut. C'est presque comme s'il y avait des pages blanches à la fin en disant finissez-le vous-même, quoi. Remplissez ce que vous savez, ce que vous pouvez amener, ou détruire au contraire à l'intérieur de. À l'intérieur de ça. Mais c'est vrai que méthodologiquement, non, ça ne repose pas sur une enquête hyper cadrée, mais d'un autre côté, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité. Mais j'ai conscience de cette limite, hein, c'est évident. Et vous avez distingué dans les textes des catégories ou pas du tout. Peut-être, je sais pas, distinguer des textes académiques. Enfin, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de dimension académique, etc. Donc, vous avez distingué. J'ai essayé de le faire. Parce que j'ai pas essayé de le faire a priori. J'ai essayé de le faire a posteriori parce qu'il me semblait vraiment qu'il n'y avait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que dans les textes de presse, par exemple, on reprend jamais les conceptualisations académiques. Quelque chose près. Les textes académiques utilisent la presse, mais ils ne vont pas l'utiliser d'un autre côté pour venir enrichir le concept. Le moment, je trouve, le plus intéressant, c'était l'interface via les experts entre le monde de la recherche et le monde politique et les organisations internationales. Donc là, c'est tout le dernier chapitre. Et là, par contre, il devient très très compliqué de saisir de quel type de texte on a affaire. Et là, il doit en manquer beaucoup, hein. C'est évident, parce qu'il y a toute une littérature grise à laquelle on ne peut pas véritablement avoir... Oui, mais alors après, il faut aller la chercher. Ça, c'est pas évident. Mais en gros, ce qui est écrit dedans m'a été confirmé par deux trois personnes qui avaient fonctionné un peu dans les forums mondiaux sur migration et développement, etc. Qui m'ont en gros confirmé la justesse de l'analyse, les détails, bien évidemment, en moins. Donc voilà. Allez-y, rapide. Micro-question très perverse, parce qu'elle est à 4h01. Je suis en train de me demander, vous écoutant parler, si vous diriez que vous avez fait une archéologie de ce concept. Non, pas du tout. Non, généalogie, j'accepte. Archéologie, je refuse. Voilà, parce que vous avez mis en exergue un texte de l'archéologie de Tabou. Oui, on est d'accord. Bien sûr. Mais j'en parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup de Foucault. Hein. Ouais, je parle beaucoup de Foucault. Il y a tout un chapitre sur les post-structuralistes dans lequel j'essaie de montrer que l'idée de dispersion est sans doute ce qui vient rassembler peut-être le plus Deleuze, Guattari, Lyotard et Foucault. Et la citation de l'archéologie du savoir, ce qui m'intéresse, c'est surtout parce qu'il y a dispersion. Elle se termine par dispersion. C'est beau, c'est surtout pour ça qu'elle est. C'est un bon bouquin, ceci dit. Mais je pense que c'est plutôt une généalogie qu'une archéologie. Parce que toutes les critiques que vous formulez, justement, vous avez procédé par. En écartant successivement toutes sortes d'approches, et c'est des critiques que fait Clermont Foucault aussi. C'est pour ça que je vous posais la question, et j'y pensais particulièrement, et en fait, votre réponse va un peu déterminer mon sentiment sur la question, même si vous venez de répondre directement, je persiste. C'est votre droit. C'est par rapport à l'impossibilité d'étudier un corpus, surtout qui est déjà immense pour vous, d'étudier tout un corpus, enfin, qui de toute manière constitue un corpus, donc pas l'ensemble d'une réalité textuelle linguistique. En fait, vous la décrivez comme une impossibilité empirique d'accès simplement, soit parce que vous parlez la langue, ou d'accès matériel, ou je sais pas. Oui. Combien de temps que vous avez mis pour faire ce travail, mais bon, on peut continuer, il faut se restreindre. Vous avez appelé, je sais plus comment, le principe d'incomplétude. Et en fait, il me semble que cette impossibilité, en tout cas Foucault, elle est structurelle. Oui, et elle est politique aussi. C'est-à-dire, la question que vous posez, c'est est-ce que vous situez votre travail, situé au sens politique, par rapport à tous ces acteurs qui ont, pour faire vite les intérêts à utiliser certains discours, là vous parlez d'un mot, en fait, c'est ça qui vous distingue, je pense, de Foucault, c'est que tu parles du discours, c'est quand même une unité plus complexe et différente. Ouais. Est-ce que vous situez votre travail par rapport justement à ce... Parce que je pense que vous l'employez beaucoup, le terme de diaspora dans votre... Dans votre livre, mais il est pratiquement toujours soit en italique, soit en entre guillemets. Ouais. À ma connaissance, je ne l'utilise pas sans ça. Justement, c'est un usage aussi. Les guillemets, c'est un usage. Est-ce que vous problématisez ça ou pas ? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. J'ai conscience d'une chose, mais elle m'embête beaucoup. C'est qu'en fait, c'est un bouquin qui, vraisemblablement, s'il est lu, ne contribuera qu'à ce qu'on utilise encore plus le mot. C'est-à-dire que j'ai conscience de faire partie de ce truc-là, d'une certaine façon, même en étant... comment dire, même en essayant d'avoir un discours méta, d'une certaine façon, on est dedans. Voilà, donc, c'était ma question. En fait. C'est la conclusion. C'est la conclusion de la réception du livre. Non, c'est la conclusion du livre. Ah. La conclusion qui s'appelle Trois démons et deux chats. Voilà. Voilà. Mais c'est ça. Elle est justement sur cette question. Après, située politiquement, non. J'ai pas l'impression. Très honnêtement, j'ai pas vraiment réfléchi à ça non plus. Même en sous-tendant d'une parole située, sur ce que vous venez de dire, par exemple, ça situe quand même. Oui, ça. Oui. Ça, oui, non, ça, je suis d'accord, mais. Mais j'ai peut-être aussi du mal à le situer parce que précisément, j'ai l'impression que la réception de ce bouquin ne me situe pas. Oui, c'est assez clair. Donc, c'est pour ça que je pense à Foucault aussi, parce que vous attendiez les critiques des historiens et des linguistes et en fait des gens spécialistes. Très jolie comparaison que vous faites. Oui, c'est sincère. C'est une position hors champ, hors cadre, mais qui est usuellement hors champ et hors cadre. Oui, bah oui, on n'est jamais. Ce que vous venez de dire. Oui, oui. Vous n'avez pas de métadiscours. D'accord, vous êtes très bien venu. Merci beaucoup. Formidable. Bien, donc nous vous remercions d'être venu, d'avoir participé. Merci à vous. C'est quand même très drôle d'être invité par mes doctorants. Mais ouais. Nous vous rappelons donc qu'on a une séance en janvier où c'est Monica Salzbrun qui viendra et qui va nous présenter, je laisse la parole à la traduction de l'entreprise.